Salam alaikum les smart et les barques, bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on vous fait le résumé, que ce soit de Monday Night Raw, de SmackDown, de temps en temps d'NXT, de 205 Live s'il le faut, et de tous les pay-per-view. Et cette semaine, ce week-end, on va vous parler du gros house show de la WWE qui se passe en Arabie Saoudite, dans la belle ville de Jeddah. Je parle bien sûr du Greatest Royal Rumble. Pour m'accompagner, vous m'avez reconnu sur Ringside, je ne sais pas si je me suis présenté, les spécialistes de la question, la fine fleur des cahiers du catch, Raph, comment vas-tu Raph? Ben écoute, ça va bien, j'avais dit que c'était mon dernier quand on a pronostiqué, quand on a analysé Raw cette semaine, mais voilà, petit retour pour ce petit show là. Eh oui, parce que avant tu es un gros menteur. Avant de partir au Canada, voilà. Voilà, avant de partir, on a eu le temps de se mater les 5 heures du Greatest Royal Rumble. Et pour m'accompagner également, le patron du supplément, l'inimitable Yerem. Comment vas-tu, Yerem? Malikoum salam, mon frère. Je vais bien. Je vais bien. La pêche. La pêche, la banane. Après ces 5 heures de formidable pay-per-view. C'est ça. 5 heures de grand spectacle. Hein, on était de courbette royale. C'est ça. Dans le jardin du roi de l'Arabie Saoudite. Donc, gros show en Arabie Saoudite, un gros billet pour la WWE. On parle entre 100 et 200 millions de dollars qui ont été payés pour ce magnifique événement. On a ramené les pyros, on a ramené tout ce qu'il faut. Sacré packaging quand même. Hein. Le décor, c'était assez classieux. Je pense pas qu'on en reverra un aussi classieux dans l'année. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Le truc, c'est qu'effectivement, finalement, on verra peut-être ça dans la conclusion, mais c'est vraiment un house show avec les moyens de WrestleMania. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, exactement. Dans la scénographie, les pyros, on a même eu droit à des pyros pendant les entrées du Rumble, des trucs totalement improbables. C'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude, nous qui réclamions à chaque fois le retour des pyros, bah voilà, on l'a eu, mais à quel prix ça? Voilà, on était dans le fast à tous les étages. C'est limite dommage que c'est si proche en fait, parce que WrestleMania ça finit à peine et c'était très ressemblant dans le décor. Ouais. Ça aurait été plus, enfin bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux très gros événements d'affilée quoi. C'est sûr, c'est vrai que placer un autre endroit dans l'année, ça aurait peut-être été plus percutant. Là, ça fait un peu effectivement rematch pour la plupart de WrestleMania et quelques gros matchs de gala, notamment le match qui fait l'ouverture. John Cena affronte Triple H, donc un match d'un autre temps en quelque sorte. Hein. Il n'y a pas de rivalité entre les deux puisque John Cena est quasiment part-timer à l'heure actuelle, tout comme Triple H hein, qui est le CEO de la WWE, le grand patron NXT du Performance Center. Alors quand même 15 minutes 45 de match. C'est le match le plus long de la soirée, hormis l'énorme bataille royale de 50 personnes qui auront en fin de show. On est dans un match très classique où chacun fait son déroulé, vraiment un match à l'ancienne. Quelques near-falls hein, quand on place un pedigree, voilà, Cena va s'en remettre. Pareil quand on place le premier attitude adjustment. Tout ça est bien serré, mais au final, c'est John Cena qui sort vainqueur. Qui nous offre un petit speech où il remercie le gouvernement hein, de les avoir laissés venir profiter un peu de l'accueil du peuple et de pouvoir performer un petit peu en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ouverture de show? Commencez par Raph. Voilà, bien puisque c'est moi à l'écran, l'ouverture du show m'a pas bien emballé. J'avoue que, comme tu l'as dit, catch à l'ancienne pour rester poli, catch de vieux, catch un peu chiant. Tout de suite un peu moins poli là. Hein. Ouais, je me suis dit que si c'était parti pour être ça, cette thématique de la soirée, non, ouais, aucune prise de risque physique, rien de bien emballant. Le seul moment un peu sympa, c'était cette fin, puisque donc Cena. Il fait un AA à Triple H, puis il lui fait un, je sais pas comment on appelle ça là, il lui fait la bascule pour qu'il finisse dans le turnbuckle et lui refait un AA. Bon voilà, c'était rigolo histoire de conclure en force, mais match absolument oubliable. Ça m'avait rappelé un peu les matchs Cena contre The Rock quand il menait 20 à WrestleMania. Non, c'était pas terrible, je sais pas si Irem lui a aimé voir les tauliers, les grands héros de la discipline. En tout cas, la foule était à fond. Alors ça faisait 8 ans que Triple H et John Cena ne s'étaient pas affrontés, je crois. Exact. Du coup, bon, effectivement, et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de ce pay-per-view. Effectivement, on offre des affiches de gala, et c'est vrai que nous, on est tellement habitués à ce que quand des mecs finissent par se recroiser 8 ans plus tard ou remontent sur le ring alors que ça faisait longtemps qu'on les a pas vus, c'est souvent très scénarisé, etc. Là, effectivement, l'affiche est offerte, quoi. Peut-être que certains auront l'impression qu'on finalement on crame des super affiches de haute tenue juste pour le gros chèque et faire plaisir à la famille du roi qui était très nombreuse ce soir, puisqu'effectivement ça c'était. Alors autant. En fait, je pense que si j'avais été dans le public s'est pas trompé, hein, ils ont vraiment bien popé sur ce match-là. Donc je trouve que l'opener était bien choisi. Moi par contre, je vais en profiter justement de ce match-là pour parler d'un point qui m'a un peu gêné, je pense qu'il a gêné pas mal de monde, c'est cette foule justement qui a certes bien popé sur ce match-là, mais il faut savoir que effectivement le ringside, le parterre, le carré or comme on dit en France, était réservé à la famille royale et aux proches. Et du coup, pendant tout ce match-là et pendant Un d'autres truc matchs, chaud. hein, quasiment. Ouais, même si sur la fin on faisait moins gaffe, mais ça c'est peut-être plus parce que les réalisateurs ont fini par un petit peu trouver une petite solution. Mais effectivement, c'était très. Moi j'étais très diverti en fait par ce qui se passait dans le carré or, justement, dans le côté ringside. Bon, effectivement, ils sont tous habillés pareil parce que c'est costume traditionnel, on n'a pas trop l'habitude. Déjà visuellement, il se passe quelque chose d'assez étrange. Ils sont tous habillés en blanc, t'as l'impression d'être une convention cosplay de l'Iron Sheik. C'était pas évident de se C'est repérer. sûr, ouais. On fait pas de politique à catch-up, mais effectivement, ça impacte quand même l'appréciation qu'on peut avoir du show. Ouais. Avoir comme ça devient un spectacle derrière de voir la famille royale Alors c'est pas tant qui est. qu'ils soient habillés en costume traditionnel, c'est plus le fait qu'effectivement, je pense que parmi tous les gens qui étaient là, qui étaient ringside, peut-être il y avait peut-être 10% des gens qui appréciaient le catch, qui connaissaient le catch et du coup avaient envie de s'éclater. Et on voyait plus des mecs debout dans un coin à discuter, faire dos au catcheur, au téléphone en train de gérer des business à l'autre bout du pays, Ouais. dans leur. Ils auraient pu avoir le barbecue à côté d'eux, que ça aurait pas choqué. Exactement. Moi, il y avait des moments au début, je me suis dit, mais je sais pas, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens n'arrivent pas à se placer? Il y a des soucis de placement? Pourquoi ils restent debout, etc. Et en fait, tout ça, là, ça a duré pendant très longtemps. Et du coup, ce premier match-là, il en a un peu pâti, je pense, pour les gens qui regardaient la télé. Parce que, c'est nouveau, toi, on n'a pas l'habitude. Et on essaie de comprendre. On est tellement. En fait, dès qu'il se passe quelque chose dans le public. C'est quelque chose qu'on peut reprocher parfois, quand le fameux public hack les shows. Dès qu'il se passe quelque chose dans le public, on fait plus attention à ce qui se passe entre les cordes. Et là, clairement, j'avais du mal à me focaliser sur le match. Et dans la réalisation, en fait, ils faisaient beaucoup des plans. C'est assez traditionnel au début. T'avais les fameux plans larges où tu vois le ring et les deux opposants, et du coup, tu voyais bien la foule. Enfin, le ringside. Et au fur et à mesure du pay-per-view. C'est quelque chose qu'ils ont un peu corrigé, toi. Ils faisaient plus des gros plans dans l'action, etc. Parce que sinon, t'arrivais juste pas à lire le match, quoi. Donc, heureusement que le match était old school, en fait. Parce que finalement, ça permettait de. Enfin, ils prenaient leur temps, du coup, ça allait, quoi. Ça fonctionnait malgré tout. Mais c'est vrai que c'était un petit peu gênant, quoi. Carrément, ce public, on va dire, qui sentait pas du tout concerné. On verra dans d'autres matchs, était assez gênant, voire assez irrespectueux des catcheurs. Voilà. Le match, moi en soi, je trouvais que c'était un bon opener, du gros star power, sans grosse prise de tête. Ouais, voilà, rien de honteux, hein. Rien de honteux. C'est vrai que c'est pas ça qui m'emballait le plus. De toute façon, on verra. Enfin, personnellement, il n'y a pas énormément de matchs qui m'auront emballé ce soir. Et puis pour la promo de John Cena, pareil, ça c'est un autre truc qui m'a. En fait, je veux pas. Déjà. Je voulais le regarder ce pay-per-view parce que je voulais pas tirer de conclusions trop hâtives sur le côté ils vont dans un pays pas si progressiste que ça, ils vont dans un pays où les femmes peuvent. Voyons voir comment ils arrivent à se débrouiller. Donc on verra après la conclusion finale du truc. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est le côté aussi John Cena. Enfin, tout le monde devait faire un peu des courbettes, quoi. Et Bah clairement, hein, tout au long du show, les commentateurs ont remis une couche sur la beauté de la ville, la qualité de l'accueil, la qualité de la bouffe, voilà, tout ça avait l'air très très très très scénarisé, quoi, j'ai envie de dire. Donc effectivement, c'est assez gênant, C'était une quoi. publicité de tourisme, quoi, hein, parce qu'il y avait plusieurs spots touristiques, etc. Et il y avait cette séquence-là, donc, de John Cena qui dit qu'il est honoré, etc., de venir dans ce pays. Je sais pas si c'est lui qui dit, mais ils ont été plusieurs à dire que c'était finalement un pays progressiste par rapport à lequel ils sont, etc. Enfin, on était toujours à la limite, en fait, entre le côté, bon, ok, on sent qu'ils veulent essayer de faire changer les choses, mais en même temps, ils ont pas, enfin, toi, il faut pas qu'ils se gourent, etc. Et du coup, c'est ce côté. Ça aurait été juste un haut show non télévisé, ils font ça tout le temps en fait. Enfin, dans des proportions moindres évidemment. Mais ils vont en France, ils vont en faire des tonnes sur la France, ils auront aussi peut-être des catcheurs français qui vont faire un petit coup. Enfin, mais c'est non télévisé, donc là, pour un produit purement télé, c'était assez, assez désagréable en fait, toutes ces séquences promo de congratulations en fait, de courbettes quoi. Raph, tu voulais ajouter quelque chose? Non, enfin, je note quand même que notre ami IRM tire à boulets rouges sur la famille royale d'Arabie Saoudite. Donc, si jamais l'extradition est demandée, je pense qu'il faudra prévoir un petit quelque chose. Je crois qu'on décapite encore là-bas. Fais attention, IRM, à ce que tu dis. Ouais, bah, de toute façon, faudra compter, hein, le nombre de catcheurs qui sont partis et ceux qui sont revenus. Hein. Je sais pas si. Ouais, Voilà. faisons attention. Il y en a deux, trois peut-être qui sont restés sur place. On ne sait pas d'ailleurs si on va récupérer les quatre sélectionnés là dans leur try-out, mais on en reparlera plus tard. Voilà, donc c'était. Voilà, il faut voir aussi que la famille royale dans le Carré Or était dans des fauteuils grand luxe, Allez. quoi. On n'était pas sur des chaises pliantes habituelles qu'on voit dans les galas normaux. Ils étaient vraiment, vraiment bien installés, confortablement installés. Et tout ça donnait une ambiance donc un petit peu bizarre. On entendait bien la foule quand même popper, mais elle était au fond et du coup ça donnait un petit esprit mort un peu au show. Bah ça c'est pareil, je pense qu'ils ont juste là-dessus, je pense qu'ils ont chant, ils ont au niveau des micros, de la prise de son, ils ont dû changer en cours de route parce que plus le pay-per-view avançait, bon, il y avait peut-être la pop du public et tout, mais plus le pay-per-view avançait et plus mieux t'entendais la foule, quoi. Ouais, carrément. Bon, en parlant d'un match qui a donné peu de réactions, le match qui suit notamment, Cédric Alexander qui défend son titre Cruiserweight face à Kalisto, le petit luchador. Bon, ils ont l'habitude, hein, les Cruiserweight, quand même, de pas trop avoir le public derrière eux. Kalisto reçoit quand même de bonnes réactions, hein, notamment quand il lance ses chants Lucha, Lucha. Donc là, on a plutôt un match plutôt bien complet, digne des cruiserweight avec de la haute voltige. Kalisto bien en jambes qui arrive à passer sa sitting Spanish Fly du haut de la troisième corde. Ça, c'est une manœuvre très impressionnante et le finish est particulièrement soigné puisque Cédric Alexander réussit à contrer le Soledad del Sol de Kalisto en backbreaker. Le gut check. Un Lambert check, pardon. Bah, ça permet à Cédric Alexander de conserver son titre, hein, parce que Kalisto ne s'en relèvera pas. 10 minutes 15 de match, ils ont eu le temps quand même de montrer ce qu'ils savaient faire, les petits cruiserweight. IRM, ça t'a plu ce match? Ouais, carrément. Moi, je trouvais que c'était c'est un match pareil qui était bien placé et y avait vraiment des super comptes entre les deux, notamment cette séquence finale. Donc ouais, c'était un match qui était tout à fait qui a tenu, enfin voilà, qui est dans le haut du panier, je dirais, sur cette soirée-là. Ouais, je serais pas loin d'y mettre le label de match de la soirée, hein, c'est sûr, Ouais, c'est bien. je pense qu'il se tient là, il peut prétendre à ce titre-là. Je trouvais qu'Alexander avait, enfin, commence à, enfin, toi, je vais pas dire qu'il a du charisme parce que Non, c'est justement le il n'en a truc, pas. c'est justement le truc qui lui manque. Mais voilà, il est vraiment, il reste spectaculaire et dans ce type de match-là face à Kalisto en plus qui, pareil, lui est vraiment, enfin, probablement des luchadors, enfin, c'est probablement le meilleur luchador à l'heure actuelle à la WWE en tout cas parmi ceux qui nous montrent. Il y avait vraiment une belle alchimie de ça, donc c'est pareil, ça nous a bien, ça permet de rester dans une bonne dynamique pour le pay-per-view parce que voilà, des matchs on va en bouffer. Pour la petite anecdote, sachez que c'est le premier match de catch que ma fille a vu, ma fille de 3 ans. C'est son premier D'accord. match de catch. Elle s'est réveillée en fait au moment où le match a commencé. Et du coup, t'es là en tant que parent de dire mais le catch c'est violent, est-ce que je vais laisser regarder mon gamin regarder du catch? Et puis on s'est dit bon, allez, Destons. c'est 205, c'est des luchadors, c'est des high flyers, ils se tapent pas trop dessus, ils font plus des galipettes, des trucs rigolos. Et du coup, on l'a laissé regarder le match, et c'était trop drôle, elle a commencé à enfiler le masque de luchador que j'avais ramené de la Nouvelle-Orléans. Et quand Kalisto a fait lucha lucha, la petite était en train de faire lucha lucha lucha, donc ça y est, elle a mordu à l'hameçon. Voilà, bah c'est facile en fait. Ah C'est là là. facile. Donc voilà, je vous conseille, enfin personnellement, voilà, c'est une question que je me posais. Si vous voulez laisser regarder du catch aux enfants, un petit match de 205 avec ces deux zigotos-là, ça passe plutôt bien. Voilà, Callisto, le petit luchador préféré des enfants. Après, à chaque fois qu'il se pétait des gros coups, genre un gros coup de pied, elle faisait, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se tape? Pourquoi il est tombé le monsieur? T'inquiète pas, tout va bien se D'accord. On passer. n'a pas encore le concept de violence qui Non, est non, établi, et c'est puis bien. on attend encore un petit peu, mais l'école s'en chargera malheureusement, mais. voilà, bah c'est bien, un beau petit Callisto comme ça. Raph, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce Ouais, soft lance? moi j'ai beaucoup aimé aussi, et le parallèle avec WrestleMania toute la soirée n'a pas arrêté de se faire, enfin, à mes yeux, dans ma tête et tout. Et comparé au match de Cruiser de WrestleMania, celui-là était bien meilleur. Et c'était une soirée qui. C'était comme un très gros oignon, comme toujours, il y avait plusieurs couches. Donc il fallait séduire Jeddah, il fallait séduire l'Arabie Saoudite, il fallait tout ça. Mais je pense qu'il y avait aussi quand même un côté pour beaucoup de catcheurs. Bah, un événement de cette taille-là, avec cette audience, c'est quand même cool. Et là, pour moi qui ai pas vraiment aimé le match d'ouverture, j'ai vraiment vu la différence là, entre deux gars qui ont dû se dire, là, on a 10 minutes pour faire le show devant le public et devant nos patrons aussi. Et ils ont vraiment réussi à trouver l'alchimie, alors que Triple H et John Cena, pour moi, c'était vrai, ça faisait vraiment, oui, là, on venait piger, on est des stars, on assume notre statut, bon, on n'a rien à prouver, ça change rien, alors que là, il y avait une envie, et peut-être que c'est sur ce genre de match que la WWE peut se dire, on garde le segment Cruiser pour les prochains pay-per-view. Donc très bon spectacle. Et pour ta fille Irène, donc on est très touché de cette anecdote. Après, tu sais, si tu lui, je sais pas quel dessin animé tu lui montres, mais dans les Looney Tunes à l'ancienne là, Bip Bip et le Coyote ou Tom et Jerry, ça prend aussi des enclumes dans la tronche et ça tombe et ça s'explose. Donc Ouais, mais c'est pas si. c'est pas pour les moins de 3 ans, ça, Ah, non? c'est vrai. Attends. Mais c'est violent Pas aussi, tu sais. avant 18 C'est ans. pour les jeunes adultes, les adolescents. Ah oui, c'est vrai. Comme nous. Oui, c'est vrai. Ça Bon, cartonne. mais ouais, bon segment, bonne 10 minutes là, j'ai bien aimé. Ouais, carrément. Voilà, du bon boulot. Callisto en feu, hein. En ce moment, il a fait les belles heures de 205 Live. Bah, il a bien sa place en fait dans les pay-per-view pour mettre un petit peu le feu en début de show. J'ai dit, la place des cruisers, c'est en début de show. Allez, c'est les nouveaux championnats, une des nouvelles ceintures en jeu. Matt Hardy et Bray Wyatt affrontent Cesaro et Sheamus. La ceinture de champion d'Euro est en jeu. C'est une ceinture qui est vacante hein, puisque Cesaro et Sheamus ont perdu à WrestleMania face à Braun Strowman et le petit Nicolas qui ont abandonné les ceintures le lendemain et Matt Hardy et Bray Wyatt ont gagné le Tag Team Eliminator à Raw pour avoir la place donc au Greatest Royal Rumble pour affronter Cesaro et Sheamus pardon qui étaient qualifiés d'office. 8 minutes pardon, 50 de match, pas 8h50. De Matt Hardy qui a bien du mal à marcher. Tout le monde est obligé de l'attendre quand on fait des prises. Bray Wyatt, lui, il est un petit peu chaud bouillant. Il a le public derrière lui. Matt Hardy aussi, hein, ils font rigoler les gens, ils font applaudir tout le monde. Et tout ça se termine évidemment par la victoire des Woken Warriors, puisque Cesaro et Sheamus de toute façon vont à SmackDown, donc ils auraient eu du mal à prendre les tag team belt de Raw pour les emmener à SmackDown. En gros, ça se termine sur comment ça s'appelle? Le twist of fate modifié de Matt Hardy. Ah Ouais, oui, qui twist était of fate assez avant qu'il ait. ridicule, hein, faut s'avouer. Bah, ils sont un petit peu ridicules quand même, hein, Bray Wyatt et Matt Hardy. Qu'apporte Bray Wyatt en tenant par les pieds le mec qui va se prendre le Twist of Fate? sais pas, le prendre un peu plus haut. Enfin bref, voilà, c'était 8 minutes 50 à mes yeux un petit peu laborieuse. Je sais pas, Raph, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi j'ai. Oui? Je disais, on était optimiste sur Matardi et Bray Wyatt, on était peut-être un peu trop optimiste, je crois. Ben ouais, moi contrairement à toi, j'ai pas trouvé la foule. Alors c'est peut-être toujours une question de micro, mais tout ce qui était un peu les deletes, ils ont mis du temps hein, à avoir un peu de réaction, tout ça. Mais ouais, bah, ça fait un peu penser à ben, Jeff et Matt l'an dernier, là, quand ils sont revenus. C'est-à-dire que c'est des équipes qui, hors ce cadre-là de Jeddah, je pense, seront très populaires et feront du show en house show. Et puis ils ont les entrées, ils ont la musique, ils ont le style. Mais sur le ring, bon, c'est moyen et c'est sûr que là, la différence de niveau est trop évidente pour qu'on voit pas que c'est du, bah, c'est du scénarisé, on sait, mais que ça soit vraiment mis au ralenti de la part de The Bar pour donner l'impression qu'ils sont moins forts, alors que ils sont évidemment plus forts, mais bon, c'est comme ça, c'est la scénarisation. Les autres, ils partent à SmackDown, les Warriors, là, ils sont dans une dynamique plutôt positive, donc on les met champions, mais bon, c'est. Ouais, c'était pas très crédible tout C'est un ça. peu tiré par les cheveux, quoi, oui, c'est Hein. sûr. Sur les cheveux de Cesaro, d'ailleurs. C'est ça. Qu'il a C'est pas fait. nombreux. Voilà, Toujours c'est bien ça. peigné, hein, ce Cesaro. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'était pas. Moi, c'est pas un match qui m'a. Vraiment pas un match qui m'a emballé. Je prends toujours plaisir à voir Cesaro et Sheamus qui, une fois de plus, ont vraiment hein, fait prouver. Enfin, prouver. Montrer en 10 minutes ce qu'ils pouvaient. Enfin, vraiment une alchimie, c'est une équipe, quoi. Enfin, clairement, ça fonctionne bien. Même si on est. Il y a beaucoup de monde prêche pour une séparation des deux qui, je pense, serait effectivement une bonne idée maintenant qu'ils vont arriver à, qu'ils sont à SmackDown. Sur Matt Hardy, Bray Wyatt, ouais, enfin là j'ai pas. Il y avait rien de particulier à noter, donc c'était vite expédié, c'était juste une. Il fallait qu'ils aient les ceintures et puis voilà, on peut passer à autre chose quoi. Donc. Ouais. Mais Bah, ouais, je prédis un règne assez court, comme je disais. Ah ouais? Je pense pas qu'ils vont dominer pendant 6 mois, quoi. Ils vont faire ben, je pense pareil comme l'an dernier quand ils sont revenus Jeff et Matt, 2 mois, et puis voilà. Moi j'ai une Voilà. question pour vous messieurs. Est-ce que ce serait pas la première fois, peut-être à la WWE, qu'un des frères Hardy est champion par équipe avec quelqu'un d'autre que son propre frère? Il n'y a pas eu avec MVP, Matt Hardy? Ouais. Et qu'il soit pas noir. Ouais, quel tordu, ce Il virage. avait enchaîné les équipiers de fortune à un moment donné, Matt Hardy, mais Ah, je je suis pas pense si qu'il n'y étonné que ça, avait pas tiens. de ceinture à l'époque. Effectivement, Bray Wyatt, non, je sais pas. MVP, t'as raison, ouais. Bien vu l'aveugle. Bray Wyatt aussi a été champion avec quelqu'un d'autre par équipe, avec Randy Orton, non? Ouais, Oui, bah mais. c'est le troisième titre de Bray Wyatt hein, depuis qu'il est là. Le règne avec Orton qui n'a pas duré très longtemps, son championnat du monde tout seul qui n'a pas duré très longtemps non plus, et celui-ci qui, je le sens, va pas durer très longtemps, mais on verra. Quel beau palmarès. Oui. Voilà, bah, c'est un match qui aurait pu figurer à Monday Night Raw, hein, tout simplement. On enchaîne, on est toujours avec les frères Hardy, puisque c'est Jeff qui vient défendre son titre US, gagné récemment, là, il y a 2 semaines, face justement à son adversaire de ce soir, Jinder Mahal, qui avait gagné le titre à WrestleMania, vous en souvenez. Bah, il l'a perdu dès son arrivée à Monday Night Raw. Il a enchaîné la semaine d'après avec une de défaite contre Chad Gable, mais ce soir, il veut reprendre son titre. Il est gonflé à bloc. Il affronte donc Jeff Hardy, le champion, dans un match de 6 minutes 10, où Jinder Mahal joue des muscles, Jeff Hardy joue de son catch unorthodoxe. Et c'est évidemment la victoire de Jeff Hardy, malgré tous les efforts et les tricheries de Jinder Mahal. Jeff Hardy qui doit gagner sur une Swanton, je crois, il réussit à contrer le Calas à un moment donné. Il y a ce magnifique botch de Jinder Mahal qui restera dans les annales. Sur un Whisper in the Wind qui passe complètement à côté de Jinder, ben Jinder, il trouve rien de mieux à faire que de tomber quand même, Le poussé par le souffle, vent. le souffle, Voilà, le la souffle du déflagration. passage de Jeff Hardy lui fait perdre l'équilibre, il s'écrase par terre. Alors, peut-être très mauvais placement de la caméra d'un côté, mais bon, c'est pas ça, on voit bien que Jinder, il manque encore quelque chose pour en faire un artiste du ring totalement crédible. Bon, je suis pas sûr que l'idée Maintenant, soit de faire un artiste, d'en faire un artiste du ring crédible. Tu crois? Bah ouais, hein, des fois j'essaie de trouver des tournures originales de phrases. Enfin bref, moi Gindermal, c'est marrant parce que j'ai toujours détesté Gindermal, hein, je voulais toujours Oui, on descendu, je me dis c'était mauvais pour le business, rien de nouveau. voilà, c'était une mort affreuse d'une maladie longue. Tu as bien raison. Mais depuis qu'il est arrivé à Monday Night Raw, je trouve super. J'ai adoré ces deux matchs qu'il a eu dans les weekly. Et ce soir, j'ai bien aimé aussi sa prestation, malgré le gros botch horrible final. Il est bien à sa place. Il fait un méchant qu'on a envie de voir perdre et qui perd, donc c'est très bien. Maintenant, visiblement, tout le monde l'a descendu. Tout le monde a détesté ce match. Donc, je vais vous demander votre avis. Yarem, qu'est-ce que tu en as pensé de ce championnat US? Alors, déjà, je suis ravi d'entendre ces mots sortir de ta bouche, Richard, puisque, comme tu le sais, hein, au supplément SmackDown, voilà, nous militons pour la reconnaissance du bon travail de Jinder Mahal depuis, voilà, depuis son run de champion et même bien avant. Hein, on était là, c'était juste un diamant brut qu'il fallait faire éclore, mais il fallait beaucoup travailler. C'est un super méchant, Jinder Mahal. Vraiment, là clairement ils font du bon boulot autour du titre US, ça. Là sur le match par contre, non, bah, ça n'a pas marché et je mettrais pas forcément la faute sur l'un ou sur l'autre, c'est juste les deux étaient pas dedans quoi. Les deux étaient pas dedans. Jinder Mahal, voilà, il a rien de fantastique donc là il a fait son Jinder Mahal régulier et du coup il a pas brillé, du coup il a botché et Jeff Hardy il avait vraiment pas envie d'en faire plus que ça. En plus, il vendait une blessure, alors ce qui a ralenti encore plus le match. On était en plus encore dans une ambiance un peu délétère, enfin, où les mecs du public n'en avaient rien à foutre. À un moment donné, t'as Jeff Hardy qui sautille sur la rambarde, il est en équilibre, et donc il fait quelques pas comme ça, et il passe à côté. Il y a un mec qui passe à côté de lui, qui marche donc quasiment en même temps dans le public, donc il se lève de son fauteuil pour partir, le nez dans le téléphone, et il le calcule même pas, quoi. Il le calcule même pas, alors que nous on a l'habitude, t'as un catcheur qui arrive qui a 20 cm de toi, t'es comme un fou quoi. Et je sais pas, toi ça porte le catcheur, etc. Là les mecs, il se passait rien quoi, ils se calculaient même pas. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, excusez-moi, pardon, pardon. T'es limite, bah, qu'il le pousse quoi, genre pardon, je vois pas. Donc voilà, Qu'est-ce que vous faites sur la barricade? petite marque d'irrespect une fois de plus, ça c'était vraiment pas cool. Ah, c'était vraiment une ambiance spéciale, hein, et Ambiance on va dégueulasse pas se quoi. le cacher. Hein. Alors, il disait que la dernière fois que le titre US avait changé en dehors des États-Unis, c'était en 2000. En 2000, au Canada. Donc, ça aurait été un. D'accord. Donc, ils ont annoncé ça, je me suis dit, oula, c'est pas bon. Mais non, visiblement, on va en rester là à 2000. Et il y a un autre moment aussi assez gênant. C'était un peu mal STV, c'est pareil, t'as le caméraman. En fait, t'as la victoire de Jeff Hardy. Et le caméraman qui le filme pendant sa célébration. Et tu sais, il fait une espèce de panoramique, enfin de travelling du catcheur vers la foule, toi, pour montrer la communion entre les deux. Et donc tu passes d'un Jeff Hardy qui est sur le turnbuckle en train de célébrer, et là la caméra tourne, et il n'y a Y a personne, personne. et tout le monde s'en fout, quoi. Ou alors c'est le noir complet, parce que les gradins, où là il y a la foule, où il y a le peuple, puisque c'est un spectacle pour le roi, mais aussi pour le peuple, même si le peuple est loin dans les gradins. Et tu les vois pas, les gens. Tu les vois pas si tu fais pas un plan rempli. Donc t'as le caméraman qui est là un peu perdu et qui revient sur Jeff Hardy. Et c'est triste, quoi. Franchement, c'est triste. C'est Ouais. triste. Donc ça a pas contribué à ce que le match-là soit. Et quelque chose vraiment de positif, quoi. J'ai trouvé ça triste comme match, quoi. Ouais, c'est un espèce de paradoxe, hein, parce qu'en même temps, ils ont mis tous les moyens pour que ce soit spectaculaire, que ça ait de la gueule, mais au final, c'était pas du tout Exactement. un show fait pour la télé, quoi. C'était vraiment pour les gens sur Exactement. place, C'est ça. ce qui a donné une sacrée drôle d'ambiance. Raph, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce championnat US? Oh, moi je suis plutôt. Ouais, non, moi j'ai pas trop aimé ce match. Enfin, j'en ai aucun souvenir, quoi. Je l'ai vu hier, et puis Déjà oublié. Une narcoleptique. C'est ça, non, mais à part ce gros botch, effectivement, qui m'a fait écarquiller les yeux, j'ai rien retenu. Moi, je suis pas un grand fan de Jinder Mahal. Hein. Je trouve c'est un bon méchant dans sa gueule et dans son acting, mais c'est un méchant de mid-card, low-card, quoi. Et puis là, non, mais là, effectivement, il est à sa place. Il est en mid-card et il perd, mais effectivement, la personne n'était dedans dans ce match. Moi non plus, je vais pas non plus. Descendre Ginger plus que ça, Jeff Hardy a pas non plus été transcendant dans une ambiance effectivement de mort, donc voilà quoi. Je pense que n'y a pas grand-chose à en dire, sauf que ça a posé les jalons d'une soirée où, effectivement, niveau changement et de titres et surprises, on n'a pas eu grand-chose. Donc, voilà. Ah ça, Ouais, des rumeurs qui voulaient qu'il y ait plein de changements de titres, là, une fois de plus, hein. Ah oui, à Ouais. nos amis de Vox, Catch, là, ils étaient à fond. Là, je lisais leurs articles, ils disaient plein de surprises à prévoir, on espère, on verra, cette défense de titre, et bon, bah, Un voilà. switch hein, du titre intercontinental vers SmackDown et inversement. Ça aurait pu, mais bon. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Voilà, Jinder et Jeff. Alors, ensuite, c'est l'heure des Blue John Brothers contre les Usos. Les Blue John Brothers, si vous le savez ou pas, ils sont champions depuis Mania. Et les Usos essayent de récupérer leur titre. Donc en gros, les Usos se font squasher en 5 minutes, 5 minutes 9 secondes. Bon, il y a quand même une belle tentative de défense des Usos qui enchaîne les super kicks. Ouais, C'est très rapide, c'est très intense, mais c'est très très rapide quand même. Ça se termine sur la grosse power bomb des frères Marteau sur un des Usos. Ouais, voilà, très intense, très très rapide. Raph, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Parce que tu as déjà oublié ce match aussi? Non, celui-là je l'ai bien aimé, mais effectivement c'était très rapide, c'était un bon petit bonbon, mais oui, qui était vite croqué. C'est dommage, mais j'ai l'impression que c'est un peu inhérent là, à cette gimmick de Blue Jones Brothers de faire que ça soit très vite. Là, ils ont jamais fait de match très long, alors que Rowan et Harper, quand ils n'étaient pas dans cette gimmick-là, il y a 3-4 ans, ils avaient déjà eu une feud contre les Usos avec des très très bons matchs. Là, je me souviens d'un meilleur des trois manches là, qui avait été assez énorme. Mais là, il y a ce côté brutasse qui fait que ça va vite, ça cogne vite. J'avoue que j'y ai cru quelques minutes. Là, je me suis dit, tiens, s'ils veulent caser un changement de ceinture, là, ça aurait pu être le coup d'avoir les Usos qui regagnent quand ils ont eu ce moment un peu héroïque, là où ils sont bien revenus dans le. Et puis non, bon, finalement, on reste. Parce qu'en plus, bon, il y a le côté house show, où souvent dans les house shows, c'est quand même les gentils qui gagnent. Donc j'y ai cru une minute, et après, on est vite rentré dans le rang. C'était pas un match désagréable. Après, bon, bah oui, un petit match de 5 minutes, c'était pas non plus ouf dans un endroit qui ressemblait à un stade de WrestleMania. Et puis clairement, on avait affaire, oui, à une foule qui était une foule très. Très novice, je pense, dans le monde de la WWE, et qui effectivement. Popé pour les grands noms et les têtes d'affiche, et les mecs, je sais pas moi, est-ce qu'ils voient Raw en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils voient que les pay-per-view? En tout cas, ils avaient l'air de. Dès que c'était pas un nom du top 10 des plus connus, c'était un peu la mollesse, quoi. Je j'ai pas vérifié, je sais pas toi si Ringside si tu le sais, mais je pense que ouais, Raw et SmackDown doivent être diffusés. Je suis pas sûr Ah parce ouais? que il se disait, ou alors si c'est diffusé depuis pas longtemps parce qu'il paraîtrait que il y a 2 ans à peine ils avaient droit à rien du tout en fait. Ouais, Que ce d'accord. soit concert, émission de télé ou Et divertissement, après, ils avaient droit à rien quoi. ça peut être le network, diffusé, non? mais pas trop. Ça peut Est-ce être que le diffusé, mais network pas est. trop regardé, quoi. Ouais. Ouais, le network, ouais, peut-être par. C'est possible, Ouais, donc mais. effectivement, si en plus, voilà, c'est. Tout frais l'histoire du catch de la Ouais. WWE est Disons que très. ça devait se regarder sous le manteau, je pense, un petit peu. Ouais. Alors, je sais pas comment ils vivent là-bas, Distribution de parce que tu peux DX, pas. ouais. Voilà, tu peux pas vivre sans divertissement, donc ça doit se faire quand même, mais un peu sous le manteau, quoi. Mais T'avais envoyé quelques fans, mais c'est vrai, par exemple, t'avais pas, alors je sais pas, bah si, t'avais pas les fameuses pancartes. Les pancartes que tout le monde soulève et que si t'es derrière, tu vois plus rien et du coup tu gueules alors que t'as payé ta place de 1000 balles, quoi. T'es dégoûté. Il y avait pas ça, il y en avait juste une ou deux. Il y avait un mec, j'ai vu, il y avait un gars, j'ai vu après sur Twitter, j'ai trouvé le compte Twitter du mec, hein, le gros stalker. J'ai retrouvé le compte Twitter du mec, il avait fait 5 ou 6 affiches, quoi. Mais c'est un mec qui avait l'air un vrai fan, toi. Plus dur, je ne sais pas. Ouais. Du coup, je ne sais pas comment il fait pour. Enfin, tu trouves toujours un moyen, toi. Mais effectivement, il n'y avait pas la culture WWE, la culture catch qui était là. Il y avait la Il y côté. avait beaucoup d'enfants aussi, hein. Oui, C'était voilà, tu avais le beaucoup de côté vraiment gosses avec des divertissement. t-shirts qu'ils avaient dû acheter sur place ou qu'on leur avait offert, je sais Et ben à pas, l'entrée mais de John Cena, souvenez-vous, hein, il y avait tous les gamins qui étaient là, qui faisaient le You Can See Me, c'était la haie d'honneur pour l'entrée de John Cena. Et après, tous les gamins là, on les a revus, parce qu'ils sont tous rapatriés face caméra, quoi. Et du coup, on les revoyait. Mais c'est vrai qu'il y avait plus ce côté que c'était vraiment un spectacle. Indépendamment de la WWE, c'est quoi les storylines en ce moment, qui sont les héros, qui sont les heels. Et je pense que d'ailleurs, on en reparlera pour le match de Brock Lesnar contre Roman Reigns, mais on a fait beaucoup de prédictions sur qui allait être hué, boué, etc. Et finalement, ça n'avait pas trop d'importance parce que Aucun. je pense qu'il n'y avait même pas la moitié des gens qui vraiment, toi, suivent vraiment les storylines et du coup sont impliqués, comme peuvent être les fans, parfois peut-être même trop, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et du coup, c'est vrai que bah, là, dans des matchs comme ça de faible envergure, avec des profils un peu plus bas, comme la division tag team de SmackDown, bon, bah, c'est un peu plus vite expédié, on s'en fout un peu et on passe à autre chose. Donc. Ouais. Puis on sent que quand le catch commençait à aller trop vite, peut-être que les gens n'arrivaient pas à suivre non plus et que il valait mieux leur faire du catch à l'ancienne. Parce que ça a quand même été assez très très rapide hein, sur les Usos, ils sont un peu on fire en ce moment. Ouais, mais pour gagner, il aurait fallu une intervention de Naomi et c'était un Voilà, peu et compliqué ce soir. malheureusement, elle ne passera pas ce soir. Ouais, alors ce qu'on sait aussi, apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris, les places n'ont pas été vendues au prix habituel de la WWE. C'était des prix qui étaient vraiment très très très très bas, puisque c'est un show offert par le roi au peuple, quoi. Donc on est aussi sur une configuration différente à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, donc les Bludgeon Brothers hein, repartent gagnants. La suite à SmackDown, hein, tu nous raconteras tout ça, Oh oui, vous Irène. pouvez compter sur moi. Voilà. Ensuite, on a. Alors, je ne sais pas si c'est là qu'on avait eu l'intervention des gens qui avaient participé au try-out. Non. C'était Ça après. après, mais bon, on peut en parler maintenant si tu veux, hein. Il y a eu le match Bah faisons plutôt intercontinental, le. sinon. Voilà, faisons le match intercontinental, c'est quand même plus fun. Seth Rollins qui défend son titre dans un match de l'échelle face au Miz, à Finn Bálor et à Samoa Joe. Donc la grosse concurrence, hein. The Miz, l'ancien champion intercontinental, Finn Bálor, premier champion universel de l'univers, et Samoa Joe, qu'on ne présente plus. Donc les deux matchs plutôt bien troussés, c'est surtout Samoa Joe qui fait le coup de poing avec des gros moves en utilisant l'échelle. Même s'il a un peu du mal à la poser Oh, c'était sur le génial. ring, à la placer correctement de temps en temps, mais au moins Il se lui, démonte pas. bah, il sait, Il se démonte voilà, pas. hein, il fait autre chose. S'il n'arrive pas à faire un truc, c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, je crois que c'est Finn Bálor qu'il essaye d'envoyer dans l'échelle posée dans le coin du ring, mais l'échelle tombe et elle manque de tomber sur Seth Rollins, qui en rajoute un petit peu quand même. Hein. Et donc, bah, il prend Finn Bálor puis il le slam sur l'échelle qui est posée par terre. Donc ça se termine au bout de 14 minutes 35 de match. C'est moins long que le match Cena Triple H. Ça se termine sur Finn Bálor qui réussit à se débarrasser à la fois de Samoa Joe, du Miz, qui est tout seul dans le ring puisque Seth Rollins n'est plus là non plus. Il va grimper, il va être à deux doigts d'attraper la ceinture, mais là, de nulle part, Seth Rollins revient, il prend appui sur les cordes depuis le coin du ring, il saute sur l'échelle et il coiffe Finn Bálor au poteau. Il décroche la ceinture sous les yeux de l'Irlandais. Il lui fait tomber la ceinture sur la gueule d'ailleurs au passage. Finn Bálor finira avec l'arcade ouverte là. Mais ça donnera un petit peu plus de crédibilité à sa défaite du coup, hein, parce qu'il est là, il est un peu comme un con, Finn Bálor. Seth Rollins garde son titre. Ça vous a plu tout ça, Irem? On t'entend pas. On a perdu IRM. On a Est-ce que vous perdu m'entendez là? IRM. Oui, je disais, On c'est un t'entend. des Voilà, autres matchs bravo. qui peut prétendre au match de la soirée, quoi. Clairement, il y avait Ouais. de l'intensité. Alors, c'est marrant parce que on a eu aucun match à échelle à WrestleMania, ils en ont eu un. On n'a eu aucun match en cage à WrestleMania, ils en ont eu un. Donc, ils ont vraiment sorti Bien vu quand même. le grand jeu. Tout de suite, les matchs à échelle. C'est marrant, les matchs à échelle avec le titre intercontinental en jeu, ça fonctionne toujours bien. Et Ouais. là, je pense que Samoa Joe a vraiment porté le match, si je puis dire, a fait en sorte que le match soit vraiment intense. Les trois autres étaient au top aussi, hein, mais moi j'ai beaucoup aimé la prestation de Samoa Joe que tu as décrite. C'est vraiment un mec qui est old school et il le dit lui-même. Hein. C'est un mec qui est vintage. Il improvise beaucoup, d'après ce qu'il dit, il improvise beaucoup entre les cordes et ça se ressent justement parce que s'il arrive un truc, une échelle qui tient pas debout, c'est pas grave, il va en faire quelque chose ou il va passer à autre chose. Enfin, C'est pas grave, ça arrive. Et puis il construit autour de ça. Et je trouvais ça pas mal. Le bum qui se prend sur l'échelle là est assez sale. Il se prend vraiment les reins là. Je sais plus par qui il se fait projeter, Finn Balor ou Seth Rollins. C'était assez impressionnant. Et le petit finish, alors, je sais pas si je suis très très fan parce que moi j'aime vraiment beaucoup le. En fait, le comment dire, la différence entre Finn Balor, qui depuis des semaines, voire des mois, voire des années, passe pour un gros benêt à la WWE, oublie toujours de monter un échelon de plus de l'échelle pour attraper la ceinture et qui. Enfin, il tapait dessus comme un idiot, quoi. Même le Miz qui aime en faire des tonnes, il fait pas ça, quoi. Il essaie au moins de faire un peu semblant de la décrocher. Mais là, il tapait comme un benêt, t'as l'impression qu'il avait pas de doigts, quoi. Et qu'il tapait comme ça, avec une palme, pour essayer de faire tomber la ceinture. Et en face, t'as Seth Rollins qui arrive pour lui shipper. Il fait un Comme un saut, il chat. l'attrape comme un chat, exactement. Hop, il la décroche, c'est fini. Pff, voilà, il passe Ouais. encore pour l'idiot. Du village, quoi. Donc ça m'embête un petit peu plus. C'est vraiment, si on commence à décrire un peu, enfin voilà, le cas Finn Balor, qui Ouais. devient vraiment problématique. En plus là, il avait pas son Balor Club, hein, évidemment. Hein. On était loin des t-shirts avec Non, des parce que arcs-en-ciel de WrestleMania. Hein. Là, il est venu tout seul. Hein. La communauté LGBT de Jedi, elle était pas Elle est là. assez limitée, je pense. Elle est éliminée aussi, oui, Éliminée, sûrement. voilà. Peut-être qu'il dépasse. Mais voilà, mais après le Voilà. match était vraiment vraiment cool, quoi. Et puis j'ai trouvé Seth Rollins, il était un peu old school là, son gear set là, son costume, non, c'était un peu à l'ancienne là, avec son look, Ouais. donc c'est pas mal. Ouais, de meilleur goût Je sais pas si c'était le que meilleur goût, mais c'était old school, c'était c'était sympa. sur le pantalon. Effectivement, Wolf. On est en train de Ah, il est perdre en train de Inside ou perdre c'est moi? Inside, tu es en lag permanent. C'est en pic. Souffle un petit coup. Tu peux nous dire. Là. Oui. Hop, c'est bon. Oui. Un peu mieux. Raph, dis-nous tout sur ce match intercontinental. Oh bah tout, j'avais pas dire tout a été dit, il m'en reste un petit peu, mais moi je suis d'accord avec Irem, match de la soirée pour moi. Et là voilà, on est clairement dans ce que la WWE sait faire. Des matchs de ladder, ils sont plusieurs, c'est un bon casting. Il n'y avait aucune raison que ça soit raté. C'était l'affiche la plus prometteuse et c'est réussi, ouais, c'est là on est du niveau d'un match de pay-per-view, sans aucun problème. Un poil court peut-être, mais bon, c'était du tout bon. Tout le monde a été bon et effectivement Samoa Joe, je pense que là on est sur une très très positive dynamique. Et en tout cas ils mettent le paquet dessus. Le titre intercontinental c'est même un peu bas pour lui. Là je pense que d'ici 2-3 mois, moi je le vois parti pour même peut-être moins pour rouler sur AJ Styles. Mais il est ouais, c'est potentiellement déjà un catcheur de l'année. Et sur le final, moi je l'ai bien aimé. J'avoue que il y a le côté enfin, il y a un mec qui joue plutôt sur la vitesse et pas sur le. On essaie de se taper la tête là sur le haut de l'échelle pour voir quel est le premier qui lâche. C'était surprenant, c'était rafraîchissant, disons. Après, bon, le cas Finn Balor, c'est autre chose. Comme on va le voir plus tard, le main event de Raw reste un peu bouché à cause de cet Universal Title qui est pas souvent là. Je trouve que c'est un très bon placement pour Rollins qui a. Bon, là, Jeddah, c'était à part, mais qui est pas mal aussi revenu en grosse pop, de lui donner ce titre-là et cette victoire-là. Donc, c'était le bon match de la soirée avec les Cruisers. Voilà, c'est ça qu'il nous fallait. Moi, on parle d'un house show glorifié. Moi, si je vais à un house show et que j'ai un match comme ça, je suis plutôt bien content d'avoir payé ma place, hein. Oui, bon, en général, ils ne durent pas 5 heures, les house shows, mais. Même le Miz a eu droit à ses feux d'artifice pour son entrée. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est mérité quelque part pour le Miz. Voilà, alors, tout ça c'est bien. Du beau boulot. Alors, le championnat intercontinental et les échelles, hein, c'est une longue histoire, parce que le premier match de l'échelle, c'était pour le titre intercontinental entre Razor Ramon et Shawn Michaels, souvenez-vous. Et c'est déjà un match qui avait marqué l'histoire. Alors, on va arriver à cette séquence troublante. Qui tourne autour du try-out de la WWE justement en Arabie Saoudite. On a les quatre gagnants qui sont là au milieu du ring. Alors, je suis désolé pour les familles, hein, mais j'ai plus les noms. Quatre valeureux gaillards. Il y en a un apparemment qui n'est pas vraiment saoudien, hein, qui est un catcheur qui travaille en Caroline du Sud, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est déjà aux États-Unis, mais qui est d'origine saoudienne. Celui qui a fait la promo, apparemment, hein, qui était plutôt convaincant. Donc, on nous les présente. Ils nous expliquent un petit peu leur motivation, tout ça. Et là-dessus débarquent les frères Daivari, donc Sean Daivari et Arya Daivari, que vous connaissez si vous suivez Two Five Live, et qui viennent avec le drapeau iranien dans un segment carrément raciste, où les deux Iraniens viennent cracher sur l'Arabie Saoudite. Et ils se font rapidement corriger par les quatre valeureux jeunes saoudiens qui sont les futurs superstars de la WWE. Comment vous l'avez vécu ce segment-là? Mal. Mal, hein? Ouais. C'était Non, pas mais facile, hein? c'est con parce que c'est vraiment le type de segment très très américain de la WWE qu'on a vu plein de fois à la WWE, mais qu'on voit de moins en moins, qui est un peu une ficelle cliché classique plutôt du catch des années 80, 90, tout ça. Et là, alors qu'ils arrivent en Arabie Saoudite plutôt en mode justement progressiste, voilà, on fait du sport, c'est un spectacle, bon, il y a des femmes, on les montre pas encore, mais peut-être un jour et tout. Et puis là, ils se sont dit, tiens, ça va leur faire plaisir de leur foutre des Iraniens pour les faire huer les Iraniens. Ben non, enfin, ça tourne un peu complètement dans le sens inverse. C'est au Bah, contraire. grosse réaction du public hein, quand même. Hein. Les Ouais, mais je. jeunes se sont fait acclamer, les Iraniens se sont fait huer, ça a quand même bien fonctionné au final. Hein. Ouais, ça a fonctionné parce que c'est cheap et je pense que Voilà. c'est le truc qui marchera partout dans le monde, Le malheureusement, cheap pop par excellence, ouais. Le cheap même en pop aussi. ça marcherait même en France, évidemment, si tu fais, dans le catch français, si tu fais venir des Marseillais à Paris ou l'inverse, je sais pas. Mais bon, c'est tellement facile que oui, je pense qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça, ils auraient pu se passer de ça. Après, bon, oui, ils ont voulu nous présenter les mecs du try-out, donc toujours ces segments, ça finit par une prise de catch ou deux pour montrer ce qu'ils savent faire, mais. Ouais, bon. Surtout Ouais. que voilà, vu depuis chez nous, j'avoue que la tension entre Iraniens et Saoudiens, ça me passe un peu. Voilà, ça c'était le segment. C'était pas du cru, tu comprends pas trop la haine. Ouais, Pourquoi est-ce cette ça haine? faut déjà savoir que les Iraniens sont pas aimés en Arabie Saoudite. Ouais, Irem, qu'est-ce que t'en penses de ces grosses ficelles là, ces vieilles ficelles du Ouais, catch? création de deux factions, là, une faction sunnite et une faction chiite, ça peut être voilà, une guerre des factions sur fond religieux. Voilà, on est en 2018, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non, là, clairement, là, on est dans le. Eh ben, dans toutes ces petites séquences ou ces mots étranges ou toutes ces choses qui font que ce pay-per-view-là, il. Voilà, il. Il. Enfin, contrairement à ce qu'ils veulent faire, enfin, effectivement, cette histoire de vouloir faire quelque chose de progressiste, on verra pas dans la conclusion, mais. Je pense que là, c'était de la cheap pop. Et on a l'habitude de ce genre de choses. Comme tu l'as dit, Raphaël, c'est quelque chose d'une ficelle qu'ils utilisaient vachement avant. Donc, après, c'est pas. Ça m'a pas gêné vraiment. C'était. Enfin, si, ça m'a gêné, mais. Comment dire? C'était. Enfin, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils étaient obligés d'avoir tous ces segments-là, en fait. D'une fois de plus de montrer que l'Arabie Saoudite ils sont très forts c'est les meilleurs pour recevoir du monde à la maison l'art de la table ils sont balèzes regardez les photos Twitter qu'on liquait et en plus voilà c'est enfin voilà c'est les plus forts on fait plaisir aux pays hôtes mais c'était quand même pas ouais c'était quand même c'était assez naze dans le fond d'avoir fait ça donc ouais moi ouais, c'est un petit carton jaune mais pff, tu dis presque enfin je sais pas s'ils auraient pu s'en passer si mais Moi, si, je pense que parce que nous, on est habitués au catch. Enfin, je veux dire, même récemment, tu vois, quand il y avait Kevin Owens qui était Mister America, là, c'est toujours ça, c'est toujours bien ce sûr racisme. Mais là, je pense qu'il y avait une bonne part du public, on l'a dit, qui connaissait pas le catch dans ce stade du saoudien, ou qui peut-être il y en a même qui croient que c'est même pas scénarisé. Enfin, on ne sait pas qui sont ces gens. Peut-être qu'ils venaient voir un truc sportif sans trop savoir ce que c'était, et de leur dire, ah oui, tiens, le catch, c'est ça, là, c'est on va se foutre de la gueule. si je suis un Saoudien un peu progressiste, je pense que ça me saoulerait un peu. J'aurais l'impression qu'on fait un pas en avant et puis en même temps on reste dans Ah bah tout le pay-per-view est comme le ça truc. finalement. Enfin un pas en Oui, avant oui. et puis en arrière quoi. Oui, c'est ça. Ouais, après qu'on soit en Arabie Saoudite ou autre part, les progressistes, ça court pas les rues non plus. Hein, quand tu fais un show dans un grand stade comme ça, Non. vaut mieux s'intéresser à la masse pour avoir une réaction Ouais. qui fonctionne, hein, Ouais. quelque part. Oui, et puis c'est peut-être le plus grand stade dans lequel évoluera Daivari, donc Voilà. C'était un accomplissement pour eux. Hein. J'ai vu sur Twitter, ils étaient vraiment contents d'avoir pu catcher, enfin, catcher entre guillemets, hein, tous les deux dans un pay-per-view de la WWE, les deux frangins, puisqu'ils sont entraînés ensemble, etc. Hein, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de performer ensemble. Je ne sais pas si on les reverra en équipe à 205 Live ou autre part. On n'est pas plus pressé que ça de les voir, mais c'est sympa pour eux, en tout cas. Je vais en profiter pour saluer un peu les gens sur le chat, notamment Guillaume, hein, qui nous explique que tout ça est un petit peu malaisant, mais qu'on est dans un climat, aussi dans une histoire, comment dire, de conflit politique assez Oui. compliqué, de géopolitique qui n'est pas des plus simples, hein, puisque on est sur des pays qui font des guerres via des pays interposés. Tout ça est bien compliqué, forcément, ça donne une ambiance en demi-teinte, hein, dans ce merveilleux pay-per-view. Voilà, en tout cas, on sait qu'on a maintenant quatre Saoudiens au Performance Center, plutôt beau gosse, plutôt bien gaulé, plutôt Grand, de costaud. teint mat, voilà, c'est bien. Voilà, ils ont de l'avenir, ces quatre-là. Il y en a un qui fait de très belles promos. Ça peut donner Je des crois choses qu'il y en a un qui a intéressantes. 17 ans, j'ai cru lire. C'est ce qui m'étonne D'accord. un peu parce que ça me paraît jeune, mais. Hein? Ouais. Et en plus, ils sont Et jeunes, ils ont la jeunesse pour eux, donc. c'est Ah oui. ça. Ouais, oui. Voilà. Ça, c'est ce qui est plutôt le point positif dans toute cette histoire. C'est lors du championnat mondial. Ah bah allez. Dans une ambiance assez étrange. D'ailleurs, parce que le public n'a pas du tout suivi le match. Hein. Ils ont commencé à faire la fête dans les gradins, la vague et compagnie. Il y avait vraiment voilà, une dissonance entre le son des spectateurs et le combat qu'on avait entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Le match revanche de WrestleMania. Très stiff. Les deux se détestent désormais, hein, les anciens amis. Il y a un low blow qui est placé évidemment par Shinsuke Nakamura à un moment donné, pendant que l'arbitre a le dos tourné. Ça plaît pas du tout à AJ Styles qui pète un plomb. Il emmène Shinsuke à l'extérieur du ring. On se bat, on fait pas gaffe au décompte extérieur. Ça va jusqu'à 10. Et les deux catcheurs sont décomptés. Double count out. Pas de gagnant. AJ Styles conserve son titre et il va passer ses nerfs sur Shinsuke Nakamura à coup de chaise, à coup de barrière d'insécurité. Plutôt un joli match, même si bon, le finish tombe un peu à plat, mais il y aura la revanche tout de suite à Backlash dans une semaine, je crois. Vraiment dans une ambiance, alors je sais pas si il y a peut-être le. Je me demande s'il n'y a pas le prince qui est arrivé à ce moment-là, parce qu'on a commencé à avoir des acclamations, mais alors pas du tout pour ce qui se passait dans le ring. Je me suis dit peut-être qu'il arrivait maintenant, puisque c'était officiellement le championnat de la WWE, donc il s'est dit peut-être que je vais arriver maintenant, mais bon, on n'en saura pas plus sur ce qui se passe. Les commentateurs. Ils sont un peu mal à l'aise tout le long du show, hein, la triplette gagnante, là. Nous essayons de nous faire croire que le public est chaud pour le match, mais on sent bien que c'est pas du tout ça. Quoi penser de tout ça, mon bon IRM? Moi, j'ai trouvé le final très bon. Je trouve que c'était la bonne chose à faire, pardon, bon appel à faire, pardon, de terminer en no contest. On monte un petit cran, on profite de ce pay-per-view house show slash que vous voulez, qui emmerde un peu tout le monde d'un point de vue évolution des storylines ou changement de titre. On le voit bien, parce qu'il finalement il se passe pas grand-chose, mais. On monte un petit peu un cran sur le caractère d'AJ Styles, qui est un peu ce qu'il faisait des fois AJ Styles ces derniers mois. Il était un petit peu en retrait, l'impression qu'il subissait d'abord la politique de l'autorité. Il passait au second plan et il se plaignait, mais à moitié quand même. Et il subissait plus qu'autre chose. Il n'était pas un champion qui se rebiffait. Là, il commence à se prendre des coups dans les burnes par Nakamura toutes les semaines. Il y a un moment où il y en a marre. Là, ça tombe bien, il le fait dans le dos de l'arbitre. Donc là, il pète un câble. Et puis ça se termine à l'américaine. On pète les tables à l'extérieur. Voilà, on se bat partout sauf dans le ring. Quelque chose qui n'arrivait jamais avec Nakamura. Donc c'est la première fois qu'on voit, je crois, Nakamura se battre en dehors du ring à la WWE. Donc c'est très intéressant aussi pour lui, pour le faire évoluer. Donc j'ai trouvé ce match très intelligent, très malin. Le final pour moi il me va parfaitement. Maintenant, c'était une lourde en rematch du Dream Match, donc une espèce de Dream Match, je sais pas comment vous pouvez l'appeler. Ça devient un peu compliqué. Il y a un moment, il va falloir essayer de mettre des noms à des match-ups. Il faut juste laisser les bons temps rouler et les matchs avancer. Voilà. Là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'a pas encore vu le Dream Match entre AJ Styles et Nakamura. On n'a pas encore vu un Nakamura au sommet. Mais on sent que voilà, l'histoire va dans le bon sens et que les deux commencent vraiment à se détester. Et il y a, enfin, à part des exceptions très très très très rares, c'est le principe d'une exception. Il faut un méchant, il faut un gentil. Et il faut qu'on déteste le méchant, qu'il soit une pourriture. Il faut que le gentil soit valeureux et aussi du caractère. Daniel Bryan, c'était un gentil, valeureux, qui avait du caractère, qui montait au créneau, qui ne se laissait pas marcher dessus. Et c'est ça que ça a marché. Là, AJ Styles, faut qu'il rentre pareil. Il faut pas qu'il fasse l'underdog, mais il faut qu'il montre du caractère. Et là, il a commencé à le montrer. Et ça fait plaisir. Donc, rien que pour ça, j'ai trouvé ce match pas exceptionnel en soi dans la qualité in ring. C'était à la hauteur de ce qu'ils avaient déjà fait à WrestleMania. Mais en termes de storyline, c'était vraiment cool. Au-delà de ce qui se passait dans les gradins, qui était assez ridicule, effectivement, parce qu'on voyait le public faire des espèces de holà ou de vagues, ou je sais pas, ils dansaient, quoi. Bon, Voilà, ils sont en train de faire la c'est ça. fête de leur côté. Ça avait un peu lâché le game, le public. C'est là qu'on voit qu'on n'était vraiment pas dans un public qui était un public de smart, comme on dit. C'était vraiment on était dans le spectacle populaire. Alors, ce Shinsuke Nakamura, est un peu plus impliqué dans ces matchs. Ça t'a convaincu, toi, Raph? Ouais, moi ça m'a bien plu. Ben, encore une fois, si on parallélise avec WrestleMania, j'ai trouvé le match bien plus intéressant. Là, oui, la vraie opposition tranchée, heel face, m'a paru marcher beaucoup mieux que cette espèce de respect mutuel pourri de la dernière fois. Ouais, je rejoins assez IRM. Ils ont bien utilisé cette soirée-là de Jeddah pour avancer un peu. J'étais un peu surpris qu'ils utilisent le low blow parce que bah, justement on reste dans un pays qui est un peu traditionnel. Alors bon, c'est des mecs qui se tapent déjà ses moyens, hein, torse nu, tout ça. Bon, montrer ouvertement un coup de poing dans les couilles, je sais pas si c'est le genre de choses qui se fait. Voilà, c'était un peu bon. Ah, ça parle à tout le monde, ça, c'est universel quand même. Ouais, ça parle à tout le monde, mais bon, tu vois, je sais pas, moi, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont joué sur la corde de cette ambiance saoudienne, mais c'est vrai que c'était un peu. Ça aurait pu déranger certains traditionnalistes, voilà. Mais sinon, oui, c'était bien. C'était bien. Moi, j'ai bien accroché. J'ai bien aimé la performance heel, ouais, de Nakamura. Et je pense qu'on s'y dirige vers ce Dream Match. Ça me fait penser un peu à quand AJ Styles, justement, affrontait Cena. Là, il y avait eu deux ou trois premiers affrontements où il y avait eu le club qui s'en était mêlé. Ça Ouais. avait un peu raté. D'ailleurs, ils avaient joué dessus, là, où nous avaient fait rater le Dream Match. Et puis finalement, on l'avait eu. Et là, je suis assez hypé. Et puis, en fait, oui, on a pris conscience que Backlash, c'est effectivement dans une semaine. Donc, en gros, on va passer du Go Home Show de Jeddah au Go Home Show de Backlash. Donc, il va falloir remplir la carte là. Et oui, c'est pour ça que tous les titres sont conservés. Ou, je sais pas, il va y avoir que ça, quoi, des affiches qui vont couler de source. On va pas. Ouais, Ça, ouais, ouais. voilà, je pense. Ça, pareil, pour un show, moi j'ai un match comme ça, je suis content aussi. Et tout doucement, bah, on commence à être pris, hein, dans cette rivalité entre AJ Styles et Nakamura. Et le Dream Match, effectivement, c'est pas impossible qu'on l'ait à Backlash d'ici une petite semaine. En tout cas, pour l'instant, AJ Styles est toujours champion. Et bah, on va refaire un petit tour dans le passé, puisque c'est l'heure du match de l'Undertaker. Donc, Kias 3, sa grosse entrée, hein, évidemment. Ça fonctionne toujours. Il affronte le favori des foules, Rousseff, dans un match du cercueil, un match de la casquette, le casquette match. Rousse est fait accompagner d'Aiden English, évidemment, ça chante un petit peu pour son arrivée. Et on a 9 minutes 41 de match qui est plutôt un déroulé de l'Undertaker. Rousseff se défend un petit peu comme il peut, mais il est très vite maîtrisé. Choke slam, il reste dans les vapes à peu près 10 minutes, le temps que on fasse son sort Aiden English. Choke slam et Tombstone, on met les deux dans le cercueil. Victoire de l'Undertaker. Donc, il est dans la meilleure forme de sa vie d'après Michael Cole. Est-ce que c'est ton avis, Raph, que je vois sourire? 9-9, ouais, non, la meilleure forme de sa vie, je ne pense pas. L'Undertaker m'a pas dérangé en fait, finalement. Le match n'était pas très bon, enfin, on se souviendrait pas non plus dans 10 jours. Mais l'Undertaker a quand même cet avantage pour lui d'avoir une taille très impressionnante, une carrure très impressionnante, et de plutôt pas trop mal se démerder avec. Enfin, il a pas eu donné l'impression, il a pas eu grand chose à faire. Mais il n'a pas eu donné l'impression vraiment de traîner sa carcasse et sa misère comme ça avait pu être le cas Ouais, contre moins que Roman Reigns. Matardi, par exemple. Ouais, beaucoup moins que Matt Hardy. Voilà, ils n'arrêtent pas de dire que l'Undertaker, c'est le meilleur frappeur là, de l'histoire de la WWE. Donc oui, il a fait que ça, en gros. Il a donné des coups de poing, quoi. Mais ça n'a pas trop mal marché. J'ai trouvé que Rousseff donnait vraiment l'impression de s'impliquer. Comment on dit déjà, il selle vachement bien. Et puis, je sais pas, j'ai eu l'impression de comprendre qu'il était content de vivre quand même un moment cool parce que, ben, pour tout catcheur, je pense qu'affronter l'Undertaker, c'est plutôt sympa. Évidemment. Donc bon, le match n'était pas fou. Bon, trouver cette petite fin rigolote. Bon, c'est vrai que Rousseff, il a passé 15 minutes à dormir dans le cercueil avant qu'Aiden arrive. Mais du coup, que les deux ils soient enfermés en même temps, bon, ça faisait un truc un peu plus que ce qu'on attendait. Donc c'était ma foi rigolo. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'on reverra l'Undertaker, sûrement à WrestleMania l'an prochain. Je sais pas trop, Rousseff, je pense que ça dérangera pas son personnage, donc là on est vraiment dans du house show de gala, mais pas mal foutu quoi. Pas désagréable, pas Ouais. gênant. Rien d'honteux, encore une fois. Hein. Voilà, rien de gênant, rien de miraculeux, mais rien de problématique. Non. JRM, qu'en penses-tu, toi? Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon bon Raph. Bon, effectivement, l'image, j'imagine quand même les smarts qui se plaignent du traitement de Rousseff. Là, je pense que l'image était belle, hein, le Rousseff Day au complet enterré par la WWE dans un cercueil. Je pense qu'il y en a qui ont dû un petit peu y voir une image qui a dû leur déplaire. Je pense qu'on est, enfin, j'essaie d'être positif et assez optimiste parce que effectivement, Rousseff avait l'air d'apprécier ce moment-là. En tout cas, c'est l'impression que j'avais donnée. En plus, c'était pas un squash pardon, à sens unique. Il a eu une belle, il a eu son petit moment aussi. Ah bah il a tenu 5 fois plus longtemps que John Cena quoi. Voilà. Bah, Exactement, ouais. donc rien que pour ça, je trouvais que ça donnait un petit peu d'intérêt supplémentaire au match. Et du coup, voilà, c'était un moment agréable, une stipulation qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps, dans un contexte assez particulier. Undertaker qu'on voit en dehors de WrestleMania, face à un des chouchous, un de nos chouchous, on va dire. Voilà, tout a été réuni pour passer un moment pas désagréable quoi finalement donc c'était la bonne petite pause entre les matchs de championnat mondiaux donc moi j'ai bien aimé. Voilà, rien d'autre. Alors JPB dans le chat de YouTube hein, nous dit que Rousseff mérite mieux que faire le jobber. Bah, c'est pas faux, il mérite mieux hein, Rousseff, ça c'est Oui. sûr. Là, on l'a Oui. encore vu, il a fait le job magnifiquement. Hein. On voit qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire un truc, il le fait de manière excellente, même si on lui dit de faire un peu de la merde. Maintenant, sur un gros show comme ça, avec les moyens qui ont été mis derrière, affronter l'Undertaker, c'est quand même plutôt une bonne position. Moi, oui, je trouve. Hein. Mais maintenant, je suis d'accord avec ce bon JPB. Il faudrait quand même donner quelque chose d'un peu plus copieux à Rousseff pour l'année qui vient. On ne cesse de le demander, mais bon, ça ne vient pas toujours. Il y a du monde Voilà, en haut, c'est il y a du faut monde en aller haut. se Hein. plaindre. Il y a Voilà, du monde à SmackDown. c'est ça. Allez vous plaindre au chaud bleu. On va voir s'ils vont en faire quelque chose cette année. Bon, on ne désespère pas. Nous ne désespérons pas. Allez, de toute façon, quand on arrive dans le main event, voilà comment on est traité. Ouais. Alors, c'est l'heure du match de championnat en cage. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Le match revanche de WrestleMania. Donc, dans la cage, il y avait des rumeurs comme quoi Paul Heyman ne serait pas là. Ben, il est là quand même. Et il est bien Ouais, là, puisque après des enchaînements de F5, de Spear, de Superman Punch, ce bon Roman, le beau Roman, tente de s'échapper par la porte comme un valeureux guerrier qu'il est, hein, plutôt que de faire le tomber. Hein, Brock Lesnar, lui, il essaye de faire le tomber. Roman Reigns, comme c'est le gentil, ben, il essaye de se sauver par la porte. Ben, il se mange justement la porte refermée sur sa gueule par ce bon vieux une Polo. autre image hein, du traitement de Roman Reigns par la WWE. On lui ferme la porte au Voilà. nez au dernier moment, chaque fois qu'il pense qu'il va gagner. Clac! Belle métaphore. Alors, qu'à cela ne tienne, s'il ne peut pas sortir par la porte, eh bien, il sortira autrement, Roman, à travers Brock Lesnar, à travers la grille. Il nous explose tout ça. Mais alors, le problème, c'est que c'est Brock Lesnar qui touche le sol en premier. Et du coup, c'est la victoire de Brock Lesnar. Roman Reigns a perdu, même s'il a réussi à terrasser la bête. 9 minutes 14 de match. Qu'est-ce que. Alors, bon, on va quand même expliquer un peu le fait que normalement, celui qui gagne, c'est celui qui a les deux pieds qui touchent le sol en premier. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque les pieds de Brock Lesnar n'ont jamais touché le Il sol. était sur la grille en effet. Voilà, c'est le reste, ils étaient sur la grille qui était posée en travers. Donc, du coup, Roman Reigns se fait flouer encore d'une autre manière. Qu'est-ce que bah voilà, Yerem, qu'est-ce que tu as pensé de ce championnat Le match, en cage? un copier-coller hein, de ce qui se passait à WrestleMania, seule différence c'était entre rester dans une cage. Une cage, Trouvais ouais. ça marrant le petit passage où les deux Golgoth essayent à tour de rôle de sortir hein, de la cage par au-dessus en l'escaladant. Où justement il y a Brock Lesnar quand il s'y essaye. Oh là là là là, il était pas bien. On sent que c'est un terrien lui. Il a Hein. failli Ah vomir, ouais, ouais. c'est un terrien. Il est pas bien. 1 mètre au-dessus du sol. Ça lui rappelle peut-être son mauvais souvenir qu'il avait tenté cette prise depuis le turnbuckle qu'il avait fait se péter la nuque. Hein. Ah oui, un Ah, le shooting shooting star star press, press, là. ouais. Je suis dit, oh putain, Sur Kurt toutes ces Angle. images qui reviennent. Il a dû voir Kurt T'es pas Angle con, au loin, il a Brock. fait, oh putain. Donc ça, c'était marrant. Après, voilà, c'était un copier-coller. Le spot final était cool parce que, bon, enfin, c'était face au Big Show qu'il avait fait la même, plus ou moins. Enfin, ils avaient pété la grille de la cage. C'était pas Strowman qui avait fait Strowman, ça? c'est Strowman Strowman. qui avait fait On ça voit là. sur le Big Show, En ouais. tout cas, on aime quand les cages pètent avec des gros Golgoth. Je crois que Bobby Lashley avait fait un truc dans le genre Bon, aussi à bah une voilà, c'est époque. pas des petits gabarits, hein, ça c'est sûr. Ouais, faut être assez costaud pour faire Festival de ça. finish, Power Move à gogo. Ouais, que des gros power moves, hein. Ils ont utilisé quasiment que les Spear, les F5, Ouais. German Au Suplex, final, la cage n'a pas été Superman plus Punch, quoi. utilisée que ça, à part voilà, ces deux spots dont on vient de parler. Voilà quoi, enfin, on pouvait imaginer, peut-être une fois de plus, très très très naïvement, que Roman Reigns allait, pourquoi pas, remporter le titre dans un contexte aussi différent et particulier que ce pay-per-view. Et finalement, on en a parlé au début du show, le public qui était là n'était pas forcément un public plus acquis à la cause que Roman Reigns. Il n'y Non. avait pas forcément. En fait, c'est pas lui le chouchou. On verra que le vrai chouchou du public et du roi, c'est un autre gros bonhomme, et que lui, voilà, il a un traitement différent. Et du coup, en fait, il n'y avait aucune raison pour la WWE de modifier son aiguillage ce soir-là. Et du coup, bah, ils nous ont refait la même avec cette stipulation en plus. Donc, à l'image d'autres matchs, finalement, c'était un bis repetita. Moi, je sais pas ce que vous pensez par rapport à cette fin-là, justement, qui a été traitée assez différemment en fonction du timing, que c'était les commentateurs ou après sur le site officiel. Est-ce qu'ils vont utiliser ça? J'espère pas, en fait, qu'ils vont utiliser ça. On va retrouver Roman Reigns qui va encore se plaindre d'avoir été floué, quoi, sur ce finish, mais c'est pas impossible. Donc ça m'embêtera un petit peu. Mais bon. Bah, c'est clair que moi ça m'a un peu perturbé ce finish où clairement on voit bien que les pieds de Brock Lesnar ne touchent pas le sol et derrière les commentateurs qui disent regardez on voit très bien que ses pieds ah non en fait non ce grand moment de solitude salut à Ryan qui vient d'arriver sur le Yo. chat qui nous dit que Brock Lesnar a gagné, mais c'était pas du tout mérité. Bah, c'est rarement mérité les victoires dans le catch, hein, quand même. Maintenant, effectivement, hein, on commence à en avoir marre de Brock Lesnar. Hein, JPB aussi, je crois, qui nous dit que ça devient boring un peu cette rivalité entre Lesnar et Reigns. Ça a toujours été le cas. Hein. Ouais. Mais bon. On a du gros match avec du star power. C'est pas tout le monde qui va nous faire un match avec que des Spears et des F5 et des choses comme ça. Maintenant, c'est sûr qu'on sait pas trop, on sait plus trop où ils veulent en venir. Roman Reigns, pour moi, il est grillé. Complètement. Ils auraient jamais dû lui faire perdre le truc à WrestleMania. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en foutre de ce bon vieux Roman. À part se faire botter le cul par Samoa Joe la semaine prochaine, il va falloir quand même faire quelque chose au niveau du titre universel. Salut Galuf, c'est à cette heure-ci qu'on arrive, franchement. C'était l'heure du goûter, Alors, tu comprends. c'est Les bon, fameuses tartines de Galouf. c'est ça. Non, mais oui, c'est. Oui, dis-nous tout, Raph. Non, mais oui, c'est. Pour Roman Reigns, c'est la fin, je pense. C'est donc. C'est bien ce que j'avais un peu pronostiqué, ce que je sentais venir. Moi, j'y croyais pas trop à cette prise de titre du beau Roman à Jeddah. Et je pense qu'ils ont très bien fait parce que là, effectivement, il n'y aurait pas du tout eu un happy end. La foule n'aurait eu rien à foutre. En plus, ouais. Le match, moi, j'ai trouvé que ça marchait mieux qu'à WrestleMania. Ce main event de WrestleMania, tu sais à quel point j'ai détesté. Donc, je trouvais que ça marchait mieux un peu dans la dynamique. Mais bon, il y avait vraiment tous les gros défauts. Oui, c'était encore une fois un match avec deux prises de chaque côté. Roman Reigns, donc il commence, enfin je veux dire, aucun adversaire de Lesnar de l'an dernier, là que ce soit Samoa Joe, Braun Strowman, AJ Styles, n'a eu un traitement de paillasson pareil. La cloche sonne, il prend 3 ou 4 German Suplex, Des choses qu'on un pensait plus F5, avoir. et en plus il nocelle complètement, donc il prend 3 ou 4 suplex, un F5, on repart pour un autre F5, ah ben non, il est réveillé, il fout 5 Superman Punch, donc dans le selling, c'était pas bon. Et cette fin, bon, alors le coup du. Ils sont mal démerdés, ou je sais pas, pour savoir qui est tombé en premier, je m'en fous un peu. Ce qu'il y a, c'est que comment ils vont le traiter. Moi, j'espère bien que c'était la dernière hein, de Roman Reigns et Brock Lesnar. Je vois pas comment on pourrait en avoir une version 3, même une version 4, si on reprend leur premier affrontement. Il y a. Non, non, il faut que ça soit fini, mais il faut que ça soit fini, mais du coup, c'est fini. Bon, peut-être un peu en protégeant Roman, qui n'a pas vraiment tout à fait perdu. Mais bon, il faut le faire redescendre un peu, ouais. Il faut le faire perdre contre Samoa Joe, qui est sur une bonne dynamique. Et par contre, pour Lesnar, ouais, c'est la question, parce que là, ils sont tous un peu grillés. On a l'impression qu'ils ont tous déjà passé leur tour. Et contre un mec comme Lesnar, c'est plus fort, il me semble, scénaristiquement, de le faire perdre face à un mec qui l'a jamais affronté, qu'un mec qui aurait déjà eu sa chance. Mais bon, Exactement. on verra. Il y a On verra. peut-être un grand monsieur dont on a parlé qui commence un regros push là, sur cette soirée saoudienne. Donc, Un mec qui aurait gagné le plus grand Royal Rumble de tous les ouais, temps. un de ces gens-là, ouais. Type Ça là. se pose là. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un gros favori pour ce Rumble qui fait une petite promo. Alors, je sais plus si c'est Guillaume ou Richard, par contre, que je vais juste revenir sur Lesnar Reigns. Effectivement, Paul Heyman avait fait une promo aussi dans le kick-off assez convaincante, comme il sait toujours bien le faire, même s'il n'y avait pas grand-chose dans ce kick-off, hein, de toute façon. Hormis Booker T qui nous a dit qu'il avait bien mangé. Et qui Alors, a le appelé Jay grand. Styles, il l'a appelé Shinsuke Nakamura. C'est ça, et Michael Cole qui a annoncé le sergent Slaughter comme décédé, ce qui n'est pas du tout le Est-ce cas, qu'on peut dire que c'était la soirée des évidemment. botches quand même? Parce qu'il y en a eu un paquet, dont Ouais, certains ouais, ouais. qui ont été particulièrement effrayants, on en parlera pendant le Rumble là, hein. Ouais, particulièrement savoureux. Ouais, il y avait le jet lag, je pense qu'il y avait beaucoup de Ouais. pression. Et on voit que tout le monde était mal à l'aise hein, pendant T'as raison, cette tu parlais soirée. du jet lag, effectivement, jet lag ou autre chose, ils étaient, il y avait la moitié, ils étaient blancs, ils étaient pas bien. Tu sais pas s'ils étaient à la fois physiquement fatigués, ce que je pense, effectivement, parce que dans ce sens-là, en plus, c'est assez terrible. Et puis peut-être que certains étaient un peu, je sais pas, enfin, par rapport à l'événement, le contexte, peut-être que certains n'avaient pas forcément le Ouais, cœur sous à se pression. donner à fond, mais c'est vrai qu'ils étaient, c'était pas au top de la forme, de leur forme. Hein. Ouais, c'était pas le top du top. Alors, on y arrive à ce plus grand Royal Rumble de l'histoire. 50 superstars qui vont s'affronter dans le ring. Avant, juste avant, une promo de Chris Jericho, absolument excellente, où il est dans les, donc dans les coulisses hein, avec son intervieweur qui est Mike, je sais plus comment, et qu'il l'appelle Philippe tout au long de l'interview. Il le met sur la liste, il met tout le monde sur la liste. C'était très drôle, même si malheureusement il n'y avait pas de réaction du public qui était en train de prier. Malheureusement, c'était la pause prière. Il y a eu aussi une promo de Daniel Bryan aussi dans l'indifférence générale. Il est marrant, Chris Jericho, quand même. Ouais, il est marrant là quand il parle de Mojo Rawley en mettant en face genre ces Ah gros ouais. noms du Rumble et tout. Il y aura Ouais. Mojo Rawley! Et avec ce silence derrière, effectivement, moi je dis qu'est-ce qui se passe? Effectivement, après t'apprends que c'était l'heure de la prière, donc bah il se passait rien quoi, il n'y avait aucune réaction. Donc ouais, il était au top, Chris Jericho toujours, même s'il avait l'air fatigué comme tous les autres, mais au moins il avait la patate pendant cette promo-là. Ouais, je pense qu'il avait la bouteille de whisky pas Mmh, loin. ouais, Hein. carrément. C'est mon vieux Chris. Ouais. Raph, ça t'a fait marrer aussi, je suppose. Oui, bon, c'était sympa. J'ai l'impression qu'il a trop vite annoncé Rey Mysterio qui était pourtant sur Oui. les affiches, mais parce que les commentateurs, ils ont joué la carte du Ah, oh, la surprise quand il était là, alors qu'il l'avait dit 1 heure avant. Bon, Ah bah ouais, moi pas très moi il grave. m'a C'est spoilé parce que j'avais bon. pas fait gaffe sur l'affiche qu'avait Rey Mysterio, toi. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Bravo, chapeau. Bon. Bravo Bravo, bravo. l'alcoolisme, les Ouais, ravages. tout Hein. G. Ouais, oui. Allez, on démarre ce grand Royal Rumble. Qui c'est qui démarre le show? Eh ben Daniel Bryan. Yes. Voilà, le favori de la foule, le favori des bookers. C'est lui qui est en position numéro 1 et il affronte tout de suite Dolph Ziggler de retour en force à Raw. Il n'aura pas de Drew McIntyre dans le Rumble. Non, oui, c'est vrai, non. Très étonnant. Petit soit problème de visa, soit ils veulent le protéger. À voir. Mais en tout cas, il n'était pas là. C'est Sin Cara qui arrive en troisième, qui se fait rapidement éjecter par Dolph Ziggler. Ensuite, on a Curtis Axel qui débarque. C'est Marc-Henri qui prend la suite, bah, qui va éliminer Curtis Axel tout de suite. Mike Kanellis qui revient de désintoxication, il est là aussi, mais il se fait éjecter tout de suite par Marc-Henri. Marc-Henri qui a fait du mal à voir, quand même, beaucoup de peine à voir. Il avait du mal à se déplacer. Ça doit être un record, ont-ils dit, mais il faut arrêter là. Le record, c'est 1 seconde de présence sur un ring. On peut difficilement faire plus bas là. Qu'est-ce que Ouais, ça. pas faire moins qu'une seconde. 3 secondes, il a fait Mike Kanellis. Ouais, non, c'est pas un record. Mike Kanellis, qui est marrant, il se retourne pour regarder sa femme qui est pas là en fait, dans son entrée. Septième arrivée, rien de moins que Hiroki Sumi. Qui sait quoi? Qui c'est? Ben c'est un sumo. Voilà. Voilà, il se fait éliminer par Marc-Henri après une petite confrontation d'hommes forts en 46 Donc secondes. un mec de NXT présenté comme une recrue de NXT, on est d'accord. Mais non, j'ai rien Non, il n'est compris moi. pas NXT, hein, c'est juste un sumo D'accord. qui va peut-être se reconvertir dans le catch, mais D'accord. je ne sais foutre rien pourquoi il était là. Sachant que apparemment dans le roster, même si tu enlèves 205 Live, les blessés, t'as quand même plus de 50 personnes et ils ont été nous chercher Hiroki Sumi quoi. Enfin bref, c'est Victor qui débarque juste après. Victor de The Ascension, bah, qui va être rapidement éliminé par Daniel Il a couru celui-là, Bryan. hein, pour vous dire. C'est là. Ouais, bah oui. Alors il faut savoir que le timing était à l'avenant, hein. Il n'y avait pas 1 minute 20 entre les Putain, ça arrivées. Hein. allait Des fois, vite, ça allait ça vite. Ah oui, non. c'était pas plus de 15 secondes. Hein. Là, ils s'en foutent une autre gueule, mais tant mieux, parce que Ouais, sinon, ça aurait tant mieux, fait. parce que sinon, on s'en serait jamais sorti. Kofi Kingston Ah. débarque juste après. Tony Nese de 205 Live qui prend la suite. Dash Wilder arrive. Et là, un nouvel arrivant en surprise, une légende du ring, Hornswoggle, pardon, j'arrive même plus à le prononcer, le pauvre, Super ça. Génial, hein, Hornswoggle Ouais. qui élimine Dashwilder Et d'ailleurs. t'as Cole qui dit l'ancien GM de Monday Night Raw, Hornswoggle, Ouais. Oui. qui était Non. donc le GM L'ancien. anonyme, hein, on se souvient. Eh c'était lui alors le Oui, GM anonyme. le mystère le plus incroyable de la WWE qui avait duré plus d'un an au moins, je crois, hein, qui a été résolu en Ouais, disant ouais. bah en fait c'était Hornswoggle avec son ordinateur, son laptop sous le ring. Sous le ring, ouais. Mon Dieu. Voilà, bah, il est de retour, il se fait éliminer par Tony Nice, hein, assez rapidement. Je crois pas qu'il ait vraiment passé par-dessus la troisième Et oui, corde, mais parce qu'il il ne n'a pas se réussi fait, à monter, mais c'est pas grave. il se fait pas éliminer. J'espère bien qu'il va revenir à Raw ce lundi pour réclamer justice et affronter le vrai gagnant de la qui va nous faire une sorte de Hornswoggle Mania, quoi. Ouais, exactement, D'accord. comme Curtis Axel, effectivement, ça pourrait être sympa. Moi, j'espère plutôt qu'il est mort en fait. C'est tout ce que je Primo Colonne, tiens, qui revient des limbes. Et là Contrairement à son aussi. frère qui est peut-être mort du coup, à Pico. Mais oui, Pico. on ne voit plus que Oui. lui, oui. C'est toujours bouché pour les colons. Xavier Woods prend la suite. Bo Dallas, Ah, donc ensuite, qui revient. qui revient avec son ancien theme song, hein, du coup. Tout C'est comme ça, Curtis ouais, comme. Axel. Comme Curtis Axel. Alors, je sais pas si c'est juste pour l'occasion ou Je pense. si Bon, ils sont à la c'est recherche d'un gentil, nouveau on sait leader, si pas. j'ai bien compris, un nouveau clan, donc. C'est ça, ouais. Alors, j'aimerais bien les voir trouver un nouveau Ah, leader, moi hein, parce aussi. que s'ils les remettent tout seuls en solo, ça va être un petit Non, peu bah délicat non, bah pour eux. Et on voit qu'ils n'ont pas abandonné le projet Bo Dallas ou Curtis Axel. Hein. Les mecs sont non. toujours. Ça les empêche pas de faire des main events de Raw, des choses comme ça. Kurt Angle, le general manager de Raw, le catcheur de légende, arrive en 16e place. Et ben, il va éliminer Bo Dallas d'ailleurs. Qui c'est qu'on a ensuite? Scott Dawson, ensuite Goldust, ensuite Connor. Là, il y a Elias qui arrive, qui va faire plutôt bonne impression, hein, Elias, tout au long du Ah match. bah, Qui va. gros paquet d'élimination pour Elias. Ouais. Il a éliminé 5 Ouais. personnes. Mais Donc là. d'entrée, ouais, dès qu'il arrive, il élimine les Ah oui, il deux. élimine les deux du New New Day, Day, plus effectivement. un autre là, qui était là. Enfin, il élimine trois d'un coup. Un revival, Oui, peut-être, sûrement ouais. un revival, ouais. C'est ça. Kurt Angle aussi va l'éliminer. Oui. Donc on en était à Ilaya, c'est Luke Gallows qui arrive Vraiment derrière. toutes les tag teams quoi qui débarquent, c'était C'est ça, il n'y a pas beaucoup de star power hein, dans le le show, cas puisqu'il y a, ouais, y a Rhino qui arrive ensuite, Drew Gulak. Arrivée surprise de NXT Tucker quoi. Ouais, j'avais pas Knight. compris, mais Alors voilà, bon, c'est de Heavy oui, Machinery, de NXT. Bah, ils étaient là pour s'occuper des tryouts c'est ça, de la WWE, donc du coup on leur a offert une place dans le Rumble. c'est sympa. C'est sympa. Voilà, bah, il va éliminer Drew Gulak d'ailleurs. Petite élimination, c'est bien. Voilà, c'est bien pour lui. Bobby Roode, Glorious Bobby Roode, qui arrive derrière, bah, c'est lui qui va éliminer Scott Dawson et Goldust. Oh bah écoute, pour faire bonne mesure, deux glorieuses éliminations. C'est ça. Et juste après, c'est Fandango qui débarque. Alors ça a peut-être plus choqué le public saoudien, Fandango. Chad Gable arrive ensuite. Rey Ah, la Mysterio. fameuse Voilà, surprise. Rey Mysterio. La fameuse surprise, il est là. Mais du coup, il Il va était éliminer Luke Rey Gallows. Mysterio, il était pas torse nu, il était au Royal Rumble, il était Ouais, torse nu. un Ouais. t-shirt. Pourtant, il est. Alors, il est censé être blessé, Rey C'est ça, je Mysterio. comprends pas. J'ai l'impression qu'en fait, il a mis une grosse carotte à la New Japan, parce qu'il n'a pas fait son match contre Jushin Thunder Liger, qui était Wow. prévu. Mais il est venu au show pour faire une déclaration. Il s'est lancé dans une rivalité contre Will Ospreay, contre Kushida. Il a dit, je vais tous vous Ah ouais? affronter, mais j'ai l'impression qu'il va affronter personne, en fait, et qu'il va aller à la WWE. Ou alors Sachant c'était que. pas lui. Ou alors, c'était pas lui, c'était un autre. C'est l'avantage avec les luchadors. Ça se trouve, ça fait 30 ans que c'est 10 mecs différents, mais. C'est ça, il y a un petit gros qui picole et puis un qui est pas le bon. C'est un Voilà, clan en Rey fait, Rey Mysterio, Mysterio. donc. C'est un clan. C'est un clan. Voilà, donc en 28e position, Rey Mysterio. Il va tenir 20 minutes 25 dans le match quand même. C'est Mojo Rawley qui débarque juste après. Mojo Rawley qui va éliminer Fandango. Un peu plus tard dans l'émission, puisque c'est Tyler Breeze qui débarque juste après pour aller venger justement Fandango. Mais il se fait éliminer aussi par Mojo Rawley, mais d'abord il tombe dans les bras une première fois de Fandango. qui vient amoureusement le remettre sur le ring, mais Tyler Breeze se fait rééliminer tout de suite. Sous les applaudissements du roi, hein, qui a beaucoup apprécié cette scénette voilà. D'amour fraternel. Pendez-le. Mais Pendelin qui est bon, peut-être pas encore rentré. Quelqu'un des nouvelles sur le compte Twitter de Tyler Breeze n'est pas très actif ces derniers voilà. jours. Suivez bien le retour de Tyler Breeze. L'homme fort Big E qui débarque juste après. Karl Anderson arrive aussi. Big E va éliminer Tucker Knight. Tiens. Oui. Grenouillère Voilà, c'est ça. Tucker Knight qui sera fait un peu balader par Chad Gable à un moment donné. Il a une trick chair oui, il a assez impressionnante. Impression, Tucker Knight. Ouais. D'ailleurs, on s'en fout un petit peu hein, de Tucker Knight puisqu'il n'est pas vraiment là. Tucker cœur que je sais pas. Biggie, ensuite c'est Karl Anderson qui débarque, suivi d'Apollo Crews, Apollo fucking Crews, ouais. Pardon. Roderick Strong ensuite, alors Roderick Strong lui il a fait le festival de Backbreaker, c'était, hein, c'était peut-être un des plus impressionnants du match. Il en a fait le dernier qu'il a fait là sur sa petite séquence, je sais plus qui l'a subi, mais c'était magnifique, c'était, je crois qu'il l'a contré. Un adversaire et il lui a porté un backbreaker ouais. Qui était impressionnant quoi. Il a pas contré un truc de Rey Mysterio si, c'était un luchador donc un des Rey Mysterio de la soirée ouais. Ça. Non, incroyable Roderick Strong voilà un mec qui a de l'avenir à la WWE malgré son grand âge partait de loin mais ouais Randy Orton qui débarque ensuite alors énorme pop pour Randy Orton. Ouais, au bout de la 35e entrée, ouais, ça fait plaisir d'avoir une... Ça fait plaisir d'avoir un mec que les gens connaissent. Bah, qui va faire un petit peu le ménage. Il va éliminer Mojo Rawley, Karl Anderson, Apollo Crews. Et Baron Corbin qui était. Mais il n'est pas encore arrivé, Baron Corbin, donc il va se faire éliminer après. Il y a Heath Slater qui arrive. Ensuite, on a Baba Tunde, le célèbre Baba Tunde de NXT. Voilà, le fameux méga de NXT. Tu fais hein qui sont ces gars hein quoi. Alors, on l'a jamais vu à NXT, mais c'est pas grave. Alors, c'est plutôt des gens du Performance Center, hein, plutôt que c'est NXT. Ça. C'est les mecs du Performance Center, comme tu l'as dit, qui étaient là pour entraîner, faire les try-outs. C'est ça. Pour nos amis d'Arabie Saoudite, donc les prospects. Exactement. Alors après, s'il y a un show qui sera fait dans un autre pays, bah, ce sera peut-être les nouveaux Saoudiens qui ont été embauchés là, qui feront les try-out, puis on les verra dans le Rumble. On a eu droit à un sacré face-à-face comme avec Braun Strowman, hein, parce qu'il est plus grand. Ouais, Baba Tunde, il est très grand, hein. Très très grand gaillard. Ensuite, un autre grand gaillard, bah Baron Corbin, qui débarque. Le baron. Voilà, le bon baron qui va faire aussi quelques étincelles. Ouais. Et après, on a la meilleure arrivée en 39e position. Notre catcheur favori, notre ami à tous, Titus O'Neil, qui débarque à pleine vitesse, qui se prend les pieds dans le tapis et qui glisse sous le ring. Disparaît. Et qui provoque. Il disparaît sous le ring. Alors, on est inquiet parce qu'on le voit courir et puis on ne le voit pas monter dans le ring. Et on a droit à. Alors, ils vont le passer 15 fois, hein, le ralenti de cette jolie cascade. Les commentateurs sont morts de rire. Hein. Comment il s'appelle? Corey Graves, il n'arrive plus à s'en remettre. C'est énorme en même temps, c'est tellement drôle. Ouais, ouais. Ah, c'était. Parce que qui se casse la gueule seulement, mais là en plus il se glisse tellement parfaitement, mais c'est. Il disparaît, tu vois, je crois juste ces petits pelotons qui dépassent, qui dandinent. Et puis surtout, ce qui était bizarre, c'est au moment de la réalisation, du coup, c'est là où il y a deux écoles. On se demande est-ce que c'était un work ou pas. Oh, non. Je pense pas, sinon il l'aurait c'est... filmé. Bah oui, c'est ça. C'est la... Ou alors il est très malin, il sait comment mais faire. Mais oui, c'est ça. Lui a lancé la rumeur en tout cas. Sur son Instagram, il a posté une photo en montrant le ring, en tablier du ring, en disant c'est là où l'idée du siècle m'est venue, etc. Donc on ne saura jamais vraiment. Mais c'est vrai qu'au moment de la réalisation, on ne le voit pas tomber. On entend commencer à rigoler, on se demande ce qui se passe. Et quand la caméra revient, tu vois un corps sortir de dessous du ring à reculons, enfin en se traînant à reculons, tu dis mais c'est qui ça? Enfin, c'était l'ami Titus O'Neil qui, tu dis mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Et moi je me suis dit il est parti chercher une échelle ou toi une chaise ou j'en sais rien. Ouais. Et non après t'as le replay et là c'était parti quoi, c'était des fous rires. Ça, incroyable. Il arrive quand même. Ça a plu à ta fille? Ouais non bah non je montrais plus parce que faut pas déconner, à un moment fallait la coucher quoi, c'est faire de catch mais. Ça, elle aurait aimé, je pense. Ouais, c'est très sa cartoon, là, pour l'appel, effectivement. Je sais pas si... Ouais. Ou Jeux sans frontières. Oui. Voilà, bah ça c'était un des meilleurs moments du show, hein, cette jolie vol planée du Titus. Alors ensuite, on a Dan Matta qui débarque, Dan Matta de NXT, hein, qui était connu pour s'être fait exploser par Samoa Joe. Hein, après plusieurs semaines où on avait annoncé la venue de Dan Matta, il était arrivé et il s'était fait détruire par Samoa Joe qui voulait un affrontement contre je sais plus qui, Finn Balor ou Shinsuke Nakamura. C'était lui, c'était le mec d'Agimi qui dès qu'il allait hacker, non? C'était qui ça? Bah, je suis. Bon, il avait été annoncé pendant plusieurs semaines, il y avait D'accord. des vidéos, et puis finalement, il n'avait rien fait, quoi. Et ensuite, donc, Braun Strowman qui débarque, voilà, un des favoris, bah, qui va éliminer à peu près tout le monde, faire le ménage complet. Ensuite, débarque Ty Dillinger, bah, qui va se faire éliminer par Braun Strowman. Ils l'ont Kurt pas mis en Hawkins, 10. ils l'ont pas mis en 10, non, non, Mais non. en 42. Et comme En c'est la 40. réponse de l'univers, ça reste, Je suis pas reste sûr que lié. Tellinger soit la réponse à WWE. À Hein. l'univers. Ouais. L'univers WWE. Non. Ouais. Ah, ouais. Ty Dillinger, donc. Kurt Hawkins qui refuse de rentrer dans le ring, mais Braun Strowman va le chercher pour le faire passer par-dessus la troisième corde. Ensuite, c'est Bobby Lashley qui débarque. Donc là, à partir de là, on a un petit peu de répondant contre Strowman qui est quasiment tout seul dans le ring. Hein. Il reste que Daniel Bryan, je crois. Et Elias aussi, mais ils sont hors du ring, ceux Elias, ouais, qui qui veulent. sont, voilà, ils sont un petit peu out of the game. Là-dessus, un invité surprise, le Great Khali, qui débarque et qui va se faire tout de suite éliminer par Braun Strowman et Bobby Avec ces Lashley. baffes là qu'il met là, c'est pas possible quoi. Ouais, on est bien content qu'il ne soit pas resté longtemps. Kevin Owens arrive ensuite, un peu le mastermind, hein, qui va essayer de monter des petits plans, hein, les uns contre les autres pour essayer d'éliminer Braun C'est Strowman. bien. Mais ça va pas trop Non. payer. Il y a Shane McMahon qui arrive derrière, qui en veut lui à Kevin Owens. On va avoir droit à des coast to coast, hein, quand même pendant le Rumble. Shelton Benjamin arrive en 48e. Ouais. Qui redémarre un petit peu sa carrière solo, ce sacré Shelton Benjamin. Big Cass arrive en 49e, un gros Évidemment. client pour la fin du Rumble, qui se place tout de suite dans les favoris, du coup, Big Cass. Et la 50e position, c'est notre ami Chris Jericho, Que moi j'avais complètement qui oublié, j'étais débat. là en train de me dire ah qui va être le Exactement, je me suis dit, cinquantième? qui va être le Drew 50e? McIntyre, Il ouais non c'est reste un peu qui? chaud. Une fille peut-être, non? Non, non, non, non. Chris Jericho qui va éliminer, je sais plus trop qui. Elias, non? C'est pas ça? Peut-être, ouais. Qui s'est fait éliminer par Chris Jericho? Parce qu'il reste plus grand monde, hein. Il reste Bobby Lashley, Elias, Daniel Bryan. Bon. Il y a Shane O'Mac Ouais. Big aussi, Cass, Daniel Bryan, Charles. Shane O'Mac, Charles. Jericho, Lashley, Shane, Shelton. Ouais, bah, de toute façon, ils sont tous éliminés par Braun Strowman. Ouais, Il y en a un. exactement. Au final, il nous reste les trois, le tiercé, Big Cass, Daniel Bryan qui a explosé le record de longévité dans un Rumble, Yep. Braun Strowman qui a explosé, je crois, le record de personnes éliminées Yep, dans un 13, yep. Rumble, avec 13. Donc, Big Cass va réussir à éliminer Daniel Bryan. C'est un bon gros big boot dans la face. Il va dire: t'es rien, t'es tout petit, t'es qu'un petit. On se retrouve avec un face-à-face. Braun Strowman, Chris Jericho. Braun Strowman, Big Cass, pardon. C'est là où tu t'es endormi, que t'as commencé à faire un doux rêve. Exactement. Et Braun Strowman, évidemment, se débarrasse de Big Cass, faut pas déconner non plus. Le grand gagnant qui gagne le trophée et une ceinture Dégueulasse. de champion de Jeddah, dégueulasse, verte, bon, qui ressemble un peu à une ceinture en version verte, quoi. Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, c'est lui le grand gagnant. Après un show donc très très long, très très long, ce Rumble. Ça a duré combien de temps? 50, plus d'une Ah bah heure, oui, puisqu'il le est record ayant resté été plus d'une heure. Il était battu. resté, voilà, Ouais. Daniel Bryan, 1h16, il est resté dans le 1h17, match. 1h17 et 20 secondes. Ouais, on a dû avoir une heure et demie, quoi, un peu plus d'une heure et demie Voilà, de match. d'accord. Ah ouais, il restait plus qu'une minute après qu'il soit fait éliminer. Il est pas passé Ça loin, a hein, Daniel duré Bryan. 1h17 et 20 secondes. Ouais. Voilà. Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce gros gâteau? bien sucré, bien bourratif. Ah, ça, en tout cas, c'est intéressant de voir quel parti pris ils ont pris, c'est-à-dire ils l'incluent complètement dans l'histoire de la WWE, hein, c'est parce que c'est quand même un Rumble, mais un peu bizarre, mais non, ils nous ont pas arrêté de nous le dire au niveau des statistiques, tout comptait comme un Rumble normal. Donc, ils ont dit Goldust, c'est le deuxième à avoir fait le plus de Rumble derrière Kane. J'étais étonné de pas voir Kane d'ailleurs, Il est parce en qu'il y avait Marc. campagne Ouais, encore. pas de Kane, pas de Big Show. Campagne Ah politique ouais. en ce moment. Big Show, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, mais Kane, je crois qu'il était à l'André Giant Memorial Battle là. Bref, Alors, Richard ça. nous donne un petit peu le nom de ceux qui étaient pas là. R-Truth, Kane, Big Show, Zack Ryder n'était pas là. Blessé. Drew Zack Ryder. McIntyre. Il est pas blessé, Si, Zack si. Ryder? Ah, R-Truth, de ok. toute façon, il Nommé sait plus où il est grossier. en ce moment, donc ça, il n'a pas Ouais, trouvé, je pense, la porte d'embarquement. Il s'est perdu à l'aéroport. Noé Rosé, ben, il a dû se faire arrêter la veille pendant qu'il faisait la fête. Andrade Cien Almas, Il y a du. Ouais. c'est pareil. J'ai cru que c'était lui, hein, car il y avait la musique des Colons, Ouais. ce côté latino. Sanity et les Authors of Pain. Ouais. Bah, ça permet de les protéger un petit peu, ceux-là. Hein. Ça serait dommage de les Du voir coup. se faire charter tout de suite comme ça, c'est pas. Ben ouais, comme tu l'as dit, c'était quand même un rumble de low card, hein. Oui. C'était essentiellement du remplissage. Ils ont absolument pas du tout joué la carte de l'histoire parce qu'on avait affaire à un public, je pense, qui n'y connaît rien. Enfin, on n'a eu aucun. Tu sais, il y a toujours un Hacksaw Jim Duggan ou un Godfather ou un mec comme ça qui vient piger. Là, il n'y en a eu aucun. Par contre, ils ont joué la carte, voilà, des Golgoth. Alors, ils nous ont sorti des mecs qu'on connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu, qui étaient un. Il y a un sumo, donc là il y a le géant, là je sais plus son nom, là, le très très grand du Performance Batunde Center, là, Baba Malta, Babi ouais Bibi, voilà. Les autres gars, Bababibi. là, le mec de Heavy Machinery, tout ça, ils ont voulu montrer des très grands et des très costauds, visiblement, mais sans aucune histoire. Enfin, il y a eu juste Roderick Strong, effectivement, qui était une belle montée. Moi je m'attendais à, je sais pas, à des gars comme. Comment il s'appelle le gros barbu de Sanity, là, le méchant Killian Killian Dane. Oui, voilà. Dane, ah oui. Des mecs comme ça. Là, non, c'était pas du tout. Ça se voyait qu'on n'était pas du tout dans le but de faire plaisir au public en leur faisant un mec. En montrant un mec qu'ils connaissaient, parce que de toute façon, ils connaissaient personne. Non, il y avait vraiment un côté Mais. cirque du coup, toi. On montait Ah ouais. les personnages un peu freaks de la C'est ça. WWE, sortis un peu de n'importe où, hein, effectivement. Mais bon, enfin, je veux dire, que ce soit le sumo, à la limite, Hans Vogel, il a fait un truc, mais le sumo, le Great Khali, c'était que des mecs qui sont venus, qu'on a poussés de l'autre côté, et puis qui sont tombés, quoi. C'est ça. C'est comme quoi, hein, des fois, c'est simple, le Rumble. Ouais, Ouais, ils n'ont pas mais. tous l'équilibre qu'il faut pour pouvoir gagner. Donc c'était un peu un Rumble au rabais, quand même. Enfin, c'est vrai que quand Randy Orton est arrivé, bon, bah, il y avait Brian. Mais à part ça, il y a eu personne, quoi. Et c'est vrai que moi, je pense qu'ils ont voulu voir trop grand. Alors, je sais pas quels étaient le cahier des charges, mais Ouais, 50, c'est trop, hein. un premier show à Jeddah, là, le côté très progressiste, historique, ok. Mais 5 heures de show, de toute façon, c'était trop pour le public. Parce que bon, voilà, on a bien vu que la foule n'accrochait pas, ils en avaient marre. Et on aurait fait un bon petit pay-per-view condensé de 3 heures et c'était bon. Et puis, ouais, 50 gars, c'était trop. Tout était trop long, même pour nous. Alors imagine pour cette foule. Et c'est marrant parce que souvent, ben moi, je sais pas vous, mais genre je regarde un Rumble et quand on arrive vraiment à la fin, qu'on arrive déjà à numéro 25, tu fais oh putain, c'est déjà fini, j'en veux encore plus, pourquoi je fais que 30? Et là, quand tu vois le résultat, ils en mettent 50. Alors c'est particulier parce que ils ont mis un Rumble dans une carte qui était déjà hyper chargée avec toute la top card, la mid card. Donc forcément, on s'est refilé que la low card. Comme en plus, ils ont pas fait venir les anciens, ils ont pas joué la carte historique, comme tu l'as dit, Raphaël. Du coup, franchement, c'était plat en fait, en termes d'entrée, etc. Donc le star power était vraiment pas présent. Mais c'est vrai que la 50, là, non, non, non, en fait, surtout à laisser tomber ça, ils ont battu leur record. Maintenant, 30, en fait, c'est très très bien. Un Royal Rumble de 30 participants, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, il faut pas trop Ah modifier les non. formules qui marchent, hein, c'est Là, c'était trop long. niveau C'était trop long. C'était trop long. Trop Ouais, ils long, auraient. pas de Ouais. star power. Non, mais ils auraient largement pu mettre Cena et Triple H au moins dans ce Rumble. Ils J'ai auraient cru pu. qu'il avait mentionné ça à un moment donné, mais visiblement, c'est tombé. Ils auraient pu, oui, mettre. Ouais, C'est vrai là, qu'ils c'est. auraient pu refaire venir des mecs qui ont des matchs 4 heures avant, toi, même si c'est juste pour faire un petit coucou, mais. Mais non, là, c'était vraiment le côté défilé, quoi, effectivement. Et puis, il fallait peut-être aussi protéger un peu les mecs. Enfin, toi, c'est un peu con qu'ils se blessent sur un Rumble qui est pas forcément, toi, important, on va dire. Ce qui comptait, c'est de faire le Rumble avec 50. Voilà, c'est le côté Oui, voilà, ils grandiose. avaient vendu un Rumble à 50 Voilà. et ils ont trouvé leurs 50 superstars avec, bah, tu rajoutes un sumo dedans, ça parle plus au public qui n'y connaît pas grand-chose. Bon, par contre, la victoire de Braun Strowman, je pense que c'est le meilleur choix possible à ce moment donné de l'année, hein, parce que Ouais. je vois aucune raison pour laquelle Strowman aurait perdu le Rumble du moment qu'il était dedans. Ah, il a fait un Ouais. grosse prestation, hein, Braun Strowman. Il fait des grosses charges là sur Daniel Bryan. Il a fait des charges Ouais. sur Daniel Bryan où il tourne un peu en boucle là comme ça. C'était impressionnant. Et Et puis il a ouais. failli tuer le patron aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, oui, Oui. il m'a fait peur parce qu'à un moment là, quand il l'a jeté donc Shane O'Mac Ah oui. depuis le turnbuckle sur la table, Ah oui, il y a eu ce gros spot ça. Énorme. On l'oublie oui. tellement. Et en fait, ils ont pas du, ils ont, il y a eu une seconde ou deux, ils ont pas filmé Shane et ils ont filmé que Braun qui restait un peu à regarder les conséquences de Qu'est-ce ses que je viens de actes. faire? Et Oh mon Dieu. Ah ouais. je me suis dit, j'espère que ça s'est pas mal fini, mais non, a priori, Moi, non. j'ai eu plus peur quand Big Cass Ah s'est retrouvé entre les mains de Bobby Lashley. Hein. oui. Reprenons cette séquence-là où Lashley tente sa souplesse avec chandelle, hein, tenue pendant quelques secondes sur Big Cass. Impossible de trouver l'équilibre. Il s'y reprend à deux fois et il finit par faire ce qui s'apparenterait à un brainbuster sur Big Cass. Il a deux doigts de lui fracasser la nuque, hein, je Ouais. pense. Je mettrai pas toute la faute sur Lashley. Je Ah pense que non. c'est Big Cass qui sait pas tenir l'équilibre à mon De toute avis. façon, Hein. dans ces Ouais, mais cas-là, on sait on... jamais vraiment. La faute est partagée toujours. Ouais. Je sais pas s'il continue à faire ça, mais normalement, historiquement, quant à ce genre de choses, la faute est partagée. Et des fois même, c'est pas qu'ils ont des amendes, mais. Enfin, je sais qu'à une certaine époque, je suis en train de lire le bouquin de Bret Hart en fait. Et à l'époque, quand il y avait des botches comme ça, les deux mecs étaient genre pas payés, toi. Parce Ouais. que bah il fallait apprendre à ce que tu mets ta vie entre les mains d'un autre et enfin voilà, quand il y a un botch, tu cherches pas forcément un coupable, même si des fois tu vois clairement qu'il a merdé. Mais là, tu sauras jamais vraiment, toi, effectivement. Bobby Lashley, il a pas réussi à le tenir, et puis l'autre, il a pas réussi à garder l'équipe, parce que c'est quand même le. Je pense celui qui fait le plus gros du boulot. C'est celui qui se tient à l'envers, quoi. Ah ouais, Hein? mais bon, est-ce que Ouais. Big Cass était un bon client pour subir ce genre de Ouais, choses? s'ils sont Ils ont pas pris un un peu gros enflammé risque, le là mec revient de en... blessure, quand même, quoi. Et puis au niveau des spots sympas, moi j'ai bien aimé le petit spot du New Day là, quand que c'était rigolo. Bon, ça faisait un peu tendancieux peut-être, mais Kofi Kingston et Xavier Woods l'un sur l'autre, c'était assez Oui, rigolo. puis t'as Tony Nese en Oui, fait bah. qui essaye de décrocher un à un les doigts de Oui. Xavier Woods ou de Kofi Kingston en fait qui est en train de se tenir Xavier Woods en train de se tenir à la corde avec Kofi Kingston à l'arrière, donc ça c'était plutôt drôle, hein, comme spot. Ouais, il y a eu quelques spots sympas, puis des trucs vraiment plus ringards, hein, l'arrivée d'Hornswoggle, le sumo. C'était pas toujours du meilleur goût, ça rappelait un peu les pires heures des Royal Rumble. Big Cass aussi, quand il est rentré, il a failli parvenir vivant. En fait, Big Cass, quand il est arrivé, il est monté sur le ring. Et à ce moment-là, problème le Ah oui! timing, tu as Braun Strowman Braun qui était dans Strowman le qui coin explosait avec tout tout le le monde. monde. Voilà, c'est cette séquence du Ah gros qui a oui! tout le monde sur lui. Et qu'après, ouais, il explose en mode Avenger, là, il explose tout le monde. Et en fait, il a fait ça au moment que Big Cass entrait. Du coup, Big Cass était pris dans la déflagration du truc. Quand tu parles d'une entrée, quoi. Il a failli avoir un Il a encore carambolage. merdé son coup. Et c'est Chad Gable aussi qui s'est bien mangé le sol quand il s'est fait jeter du ring. Il s'est un peu trop enflammé en sortant et je crois ils ont dû le porter pour le Ouais, il s'est donné sortir. à fond. Il y a eu des gros spots Gable là. Enfin, attention, mais. Ouais, on sent qu'il veut un peu marquer les esprits Gable en ce Ouais. moment. Hein, mais. Il a raison, il a raison, il a raison. Mais il faut aussi. Il faut pouvoir se présenter la semaine d'après, quoi. Hein? Ouais, vous faites pas une Mais ouais. Césaro. Hein. Non. Mais c'est ça, hein, je pense qu'ils étaient dans. Beaucoup, beaucoup de catcheurs étaient dans cette Bah, le idée. La stress. WWE voulait épater l'Arabie Saoudite, mais les catcheurs eux-mêmes, surtout ceux-là, là, cette low card ou mid card, qui avaient cette occasion quand même d'être dans ce Rumble devant, je sais pas moi, combien il y avait de gens dans le stade, 50 000, 60 000, je sais pas. Mais ouais, donc ils ont voulu aussi en même temps en faire beaucoup pour se faire plaisir aussi, je pense, parce que c'est kiffant de faire les spectacles. Hein. Ouais. Worldwide C'est ça. et Ouais, Worldwide. c'est son plaisir aussi. Ah bah oui. Avant qu'on passe au mot de la fin, Nardine, le Shpeb qui était dans notre chat, nous parle de la rumeur qui tendrait à nous dire que Brock Lesnar perdrait sa ceinture à SummerSlam face à Bobby Lashley. Faire attention aux rumeurs, hein, Roman Reigns devait être le champion à WrestleMania, c'était annoncé depuis 3 ans. Lashley, j'ai pas l'impression que pour l'instant il risque de gagner tout de suite le titre universal et de faire tomber Lesnar. Non, Je sais pas ce que vous en ce qui est pensez. sûr, c'est que c'est un très bon client pour aller le chatouiller, quoi. Ça, Ouais. c'est là-dessus, moi je dis, enfin, banco, quoi. Effectivement, pour moi, c'est même pas une rumeur. Ça, clairement, il faut. Tu peux envoyer un mec comme Bobby Lashley plutôt que de casser, briser la nuque de Big Cass, qu'il De aille un petit Picasso. peu s'empaler sur Brock Lesnar. En plus, l'histoire peut s'écrire tout seul. Enfin, c'est vraiment de prototype, quoi. Les mecs là, c'est de Golgoth. Je pense que clairement, il a le profil pour aller chercher Lesnar et faire durer encore un petit peu plus le règne de Brock Lesnar, toi. Moi, ce serait un peu dommage de faire tomber Brock Lesnar face à un mec comme Bobby Lashley, mais après, on ne sait pas quels sont les plans. Mais en tout cas, c'est un bon choix de nouveau contender pour la Pour bête. Ah Brock. ouais, ça c'est sûr. Ça et le baron. Ouais, là je suis pas d'accord. Mais sur Lashley, oui, l'affiche est logique historiquement. Après, il nous le présente, on en avait parlé à Inside, il nous le présente la Lashley assez en douceur hein, pour ceux que, comme moi ou d'autres qui le connaissaient pas, parce que ça fait 10 ans qu'il n'était pas là. Donc il est pas main eventer de suite, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus un mec qui revient de nulle part et qu'on nous push de suite. Mais du coup, là, dans la configuration actuelle, oui, on voit pas trop pourquoi lui. C'est le problème là, avec ce Lesnar surpuissant et jamais là, c'est qu'on voit pas qui. Il faut un mec qui détruise tout avant quasiment pour pouvoir être celui Ouais. qui fera tomber la bête. Moi, là, à la vue de ce soir, j'ai envie de dire que là, il faut plutôt le seul qui peut battre Lesnar et que ça soit crédible et que ça soit bon pour le futur et le business, c'est Strowman. Et il faudrait jouer sur cette victoire au plus grand Rumble pour nous faire un coup de ben Strowman, il n'a pas réussi l'an dernier, mais là il est plus expérimenté, il est plus mature, il va être plus fort et il va y Il arriver. a cumulé l'expérience qu'il a eue avec Nicolas. Ouais, c'est ça, Ça, mais ouais. bon, si c'est Bobby Lashley champion, ça m'excite pas trop non plus, quoi. Alors que Strowman champion, Ouais, ça serait t'as pas vraiment trop trop de cool. chance, toi, Raph. Hein. Roman Reigns, Brock Lesnar, Bobby Lashley. Tu vas pas t'en sortir. Hein. Ou alors il va se faire battre Voilà, par la allez. mallette comme à chaque fois. Oui, c'est ça, mais c'est la solution de facilité qu'ils avaient utilisée d'ailleurs Elle a plus la de sa dernière mallette, fois hein, Carmella. avec Rollins. Carmella n'a plus sa mallette. Ce que vous dites. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Le top, le flop. Bah, Yerem, dis-nous tout. Ton top, ton flop, ta note. Samoa Joe, allez, Samoa Joe qui a fait du bon taf, hein, qui est voilà, si on doit prendre un individu en particulier, je trouvais que Samoa Joe avait vraiment et peut-être le MVP de la soirée en fait. Donc moi je le donnais à Samoa Joe, sa gestion des échelles, voilà, qui se laisse pas démonter par une échelle. Ouais. Mon flop, c'est le décalage entre ce que nous a vendu la WWE et le rendu final, quoi, on va dire. Donc, y a rien eu de particulier. Et ma note, je vais mettre deux. Je vais mettre deux à ce pay-per-view qui était ce que vous voulez, un coup marketing, une opération business ou une volonté de faire évoluer les mœurs, etc. Mais pour moi, en fait, c'est juste un gros statu quo qui va ramener beaucoup d'argent à la WWE et dont les répercussions politico, sociétal, ce que vous voulez, enfin, on en verra pas, quoi. Et voilà, je pense qu'il faut pas trop se monter la tête sur ce que ça peut apporter dans le truc. Mais sinon, ouais, si le flop, allez, je reviens sur mon flop, je suis désolé, j'avais pas préparé le flop, mais je vais vraiment le donner sur le public en fait. C'était pas un show fait pour la télé, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'était pas un show Ouais, fait pour c'est la ça. télé, et du coup, ils ont voulu en faire un show pour la télé, mais ils ont pas réussi. Et que ce soit pour le Mais en public. même temps, on aurait ragé de ne pas voir le Greatest Ouais, Royal Rumble. non, là-dessus, enfin, ils ont raison de le rendre Mais. disponible, mais c'était pas un show pour la télé, donc voilà, ça a pas marché, quoi. Et ouais, je mets un 2 sur 5 pour ce show était trop long, le Rumble n'avait aucun Ouais. intérêt, et qui était sauvé par 2-3 gars qui ont décidé de faire un bon match ce soir-là, quoi. Donc, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Avant de donner la parole à Raph, j'ai envie de demander à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des pouces vers le haut, hein, si ça vous plaît ce qu'on raconte. Raph, dis-nous tout, une note, un top, un flop. Alors moi je verrai, puisque cette soirée n'avait aucune conséquence et que franchement on s'en souviendra pas dans très longtemps, je vais donner mon top au meilleur moment de la soirée. C'est bien sûr Titus O'Neil, excellent. C'est Ouais. mon c'est mon Festus. c'est le seul moment, je pense que c'est le seul moment de la soirée qui pourrait être nominé dans les cahiers du Catch Awards et dans nos awards en fin d'année. Donc c'est extraordinaire qu'un gars comme ça. Enfin bon, c'était très drôle. Moi, j'ai pas arrêté de rire. Et je pense que je peux la revoir 10 fois, je rirai encore. Et puisqu'on reste dans les botches, ben, je vais mettre mon flop à Jinder Mahal, puisque là, pour le coup, j'ai trouvé que son espèce de prise au vent là était un peu ridicule. Et alors moi, ma réflexion, c'est qu'on a vraiment eu affaire à un show très moyen. Mais il n'y a pas eu que du mauvais. Et c'est vrai qu'au vu des réactions avant que je le visionne, je m'attendais à un truc horrible. Finalement, il y a des bons matchs. Les Cruisers, c'était pas mal. Nakamura Style, c'était pas mal. Même le match de Reigns et Lesnar, ils s'en sont pas trop mal sortis. L'Undertaker, c'était sympathique. Bon, c'était pas dramatique. Donc moi, je mets 2,5. Je mets une moyenne. Après, c'est vrai que on est dans un truc très bizarre. On a vu un truc très bizarre. Et je pense que la WWE a fait un choix, enfin, plus ou moins obligé aussi par l'argent, le prince, tout ça, mais soit ils auraient dû en faire un vrai pay-per-view et vraiment, quoi, ils le casaient dans le programme et ils disaient cette année Backlash à Jeddah ou un truc comme ça et ça s'intégrait vraiment dans la storyline. Soit ils en faisaient un vrai house show, ce qu'ils ont déjà fait, puisque quand ça a été à Riyad, là ou à Abu Dhabi, on n'a pas vu les images et c'était un vrai house show. Mais là, c'était donc pour la télé. Comme le dit Irem, ça passait pas bien à la télé, mais en même temps, les gens dans le public. Je suis pas sûr on les interviewe à la sortie, mais je suis pas sûr qu'ils soient tous sortis. Ah, c'était extraordinaire! Parce que bon, c'était un peu long, c'était un peu chiant. Donc je pense que ils ont fini par sortir un espèce de truc hybride qui, à mon avis, bah, on peut pas plaire à tout le monde, mais là, du coup, je pense que ça plaît à personne. C'est mon opinion. Je pense que ça n'aura pas conquis grand monde. Donc bon, mais c'était un peu ce que j'attendais. Moi, j'imaginais vraiment pas de changement de grosse ampleur. Et c'est rassurant parce que moi qui suis un peu un garçon traditionnel, tout ça, j'aime bien que me dire, voilà, même dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas juste dire, je suis un prince saoudien, j'ai des millions, et puis vous me faites un show qui va tout révolutionner. Non, ils sont restés quand même dans le carcan. Il y a des pay-per-view, il y a un show weekly, tout ça. Et là, il va se passer des trucs, mais rien ne va changer. On n'a pas, contrairement à ce que certains disaient, on n'a pas décalé la victoire de Roman Reigns exprès. Voilà, on n'a pas fait des trucs où on s'est dit non, non, mais WrestleMania, bon, non, non, là maintenant il faut mettre nos billes et nos sous sur l'Arabie Saoudite. Non, on est resté dans quelque chose de plus traditionnel. Donc, chaud moyen. Voilà, toute cette diatribe pour dire chaud moyen parce que produit un peu hybride et un peu difficile à avancer pour eux aussi, hein. C'était un peu marcher sur le fil d'arriver à faire un truc qui plaisait aux Saoudiens qui connaissaient rien, à nous qui allaient regarder avec un œil un peu critique. Bon. Ah, je pense qu'à la fin, là, les McMahon, etc., ils ont fait ouf. Une fois que c'était fini, ils ont fait ouf, ça c'est fini, on peut rentrer à la maison. On m'étonnerait pas que c'était pas le show le plus difficile qu'ils aient eu à monter depuis un bon Bah, moment. je pense, ouais, en Ouais, termes de c'est parce que. relations avec les dirigeants, les autorités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ils se sont fait taper Il dessus à paraît cause qu'il y des avait. pubs qui sont passées hein, pendant le spectacle. Je sais pas si c'était à la t... Non, c'était pas à la télé, c'était dans l'arène, sur les grands écrans. Il y a toujours des trucs de promo et ils ont passé la fameuse promo pour le premier, enfin l'Interbrand, le prochain pay-per-view Interbrand, là, donc Backlash. Ouais, c'est ça. Et on voyait bah, les catcheuses qu'on ne voyait pas ce soir-là, mais on les a vues quand même à l'écran. Ah, Et ça fait scandale et parce que voilà. c'était projeté dans l'enceinte de l'arène. Donc, et du coup, il y a eu comme un communiqué officiel de l'État qui bah, tape sur la Ah oui. WWE en disant que ils n'étaient pas contents, que c'était pas normal, qu'ils étaient contre ça, etc. Enfin, toi, donc le côté progressiste, je me carre bien dans ce que je pense. C'est rien qui va changer. Donc non, ouais, ils ont dû, que ce soit les avocats ou les relations presse, relations médias et même Vince McMahon, à mon avis, ça doit être un businessman. Je pense que là, c'est un exercice hyper difficile pour lui. Donc là, ils sont, à mon avis, ils sont bien contents de rentrer à la maison. Ouais, mais comme Exactement. faut pas être trop sévère, enfin, j'ai vu un peu justement sur certains commentaires de certains sites de catch francophones et tout, il y en a qui étaient vraiment très vénères en mode c'est un scandale qu'on aille à Jeddah, la WWE, tout ça, dans ce pays aussi. Enfin bon, au bout d'un moment, comme tu dis, c'est un business et c'est le business de mecs qui se tapent en slip sur la gueule. C'est pas à eux de révolutionner l'Arabie Saoudite en leur mettant des femmes sous le nez ou. Ils ont fait un truc qu'on leur a demandé, ils ont fait un. Là. Ouais, c'est pas à la WWE d'aller changer le monde C'est pas la et WWE d'aller renverser dire, ouais. les régimes. Bon, C'est ça. maintenant, voilà, c'est bien qu'ils aient du spectacle dans leur pays, c'est une avancée. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la WWE en elle-même qui va révolutionner le monde. Et effectivement, il y a des choses qui sont assez scandaleuses, comme le fait que Sami Zayn n'ait pas pu catcher parce qu'il est d'origine syrienne, que les filles peuvent pas venir catcher, ça c'est quand même n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et on a bien vu que bah, c'est quand même délicat de sortir un gros, c'est un de sortir un spectacle comme on a l'habitude de le voir. Ah, c'est aussi de la Du diplomatie, c'est l'art de la diplomatie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément ça, de prendre ça en compte ouais. dans un pay-per-view, quoi. Ils avaient fait un show une fois au Koweït. Vader avait terminé en prison parce qu'il avait, ils avaient fait une interview avec lui et l'Undertaker par un journaliste koweïtien où le journaliste avait posé la question, mais le catch c'est fake, c'est pas vrai ce que vous faites. Et Vader avait chopé par le callback le présentateur en lui disant t'as l'impression que c'est faux là ce que je suis en train de te faire. Il avait retourné une table, etc. Il avait fait 2 semaines en prison, après coup, dans les prisons koweïtiennes. La WWE s'était un peu désolidarisée du truc quand ça passait à la télé en expliquant c'était scandaleux, il a mis la honte à la WWE. Mais il faut voir qu'il y avait quand même des vrais risques bah, d'avoir des problèmes avec les autorités locales dans ce type de pays si vous ne suivez pas les règles. Et visiblement, il y avait pas mal de règles à suivre pour ce show. Est-ce que dit Mais Guillaume? ils ont Ouais, dû, vas-y. ouais. Ouais, c'est pour ça ils ont dû demander. Moi, des trucs comme les coups de poing dans les loblots, là, je me suis dit, bon, Mais est-ce que dit voilà. Guillaume là sur le chat, c'est effectivement, et je l'ai oublié entre-temps, mais on en avait parlé au début, c'est le côté faire vraiment la promotion du pays et faire tous ces ronds de jambes, etc., en faire des tonnes, etc. Ça, tu sais pas, on sait pas trop là quelle est la limite entre on leur a expressément demandé de le faire. Ou est-ce que ils l'ont fait de même, toi, et histoire de faire un petit peu quand même de justement de relationnel, quoi, donc de la Ça fait diplomatie. partie du deal, hein, je pense, de mettre en avant le pays. N'importe C'est quel. ça. Apparemment, il travaille beaucoup sur le sport et les trucs pour lancer un peu le truc C'est ça. touristique du pays, hein, parce qu'avant tout ça, c'est pour faire du business, hein, au final. Oui, mais c'est intéressant parce que moi qui voyage un peu, l'Arabie Saoudite, c'est quand même un des derniers pays où c'est très très compliqué d'aller, hein. Les visas, tout ça, si tu travailles pas dans l'industrie pétrolière ou si t'es pas musulman. Donc oui, il y a un truc qui est en train de se faire sûrement dans ce pays. Comme m'a dit la demoiselle là qui est passée dans le clip, tout le monde est bienvenu en Arabie Saoudite. Bon, a priori pas Sami Zayn, mais ils veulent mettre le paquet, hein. C'est ça. Bon, je vais passer Et à toi, ma Ringside, et note. oui, voilà. Ouais, Ah oui, oui. dis-nous tout, j'attendais Alors, ça pour ouais, conclure. on va mettre un 2 aussi. Le flop, je vais le mettre sur le passage des frères Daivari, toute cette séquence là anti-iranienne, qui était vraiment quand même malaisante, comme on dit de nos jours. Le top, bah, je vais le donner à la victoire de Braun Strowman dans le Rumble. Je pense que c'est bien joué de l'avoir fait gagner. Il est temps de miser sur le coco. Voilà, c'est en corrélation avec ce qui va se passer plus Une belle tard. coupe, hein, quand même. La coupe était sacrément designée, hein. Tu vois ce qu'ils ont fait là, Ouais, par rapport au. alors quand même, par contre, le show avait de la gueule, hein, ça. Il a pas osé la soulever ou. Ouais. Il savait pas trop quoi en Ouais, foutre, en Vince fait. McMahon, le mec qui était là pour donner la coupe, en plus, il était d'un lourd. Qui c'est ce Vouloir type faire des là? blagues là avec Ouais, il voulait garder la Strowman. ceinture, lui redonner. Oh. Vince McMahon qui disait, bah allez-y, portez-la. Non, mais non. Braun Strowman, c'était un sacré exercice pour lui là, parce que clairement, c'était la vedette et Là, il commence à avoir vraiment le côté business, je pense. Une fois que tu commences à être dans les hautes sphères, à aller dans les dîners, parce qu'il était au fameux dîner avec le roi, on a pu voir quelques images Twitter où il y avait Brock Lesnar qui raconte des blagues à l'Undertaker pendant qu'on se passe les plats, quoi. Tout ça, voilà, c'est vraiment le côté business, diplomatie, côté une top star à la WWE, voilà, tu mets le nez dans ce genre de choses. Sans... J'ai l'impression que Strowman il gère bien mieux ça que Roman Reigns par exemple. Bah, ouais, je sais pas trop, parce que bon, Roman Reigns, tout ce qui est opération, les Make-A-Wish et compagnie, il y va, Ouais, il est bon, quoi. ouais. Je pense qu'il se débrouille pas mal, toi. C'est un père de famille, je pense qu'il a un relationnel, enfin, assez ok, toi. Mais je pense qu'il est aussi vachement miné par sa situation. On le voit, enfin, dès qu'on voit des trucs un peu backstage, etc., dans les reportages même, la WWE, c'est assez compliqué pour lui à bouffer, quoi. On lui fait bouffer des trucs assez durs. Mais ouais, Braun Strowman, il était là, pareil, il avait ses petits plats, enfin, ses grandes assiettes. Un bel adoubement, oui, Ouais, pour lui, bah, je pense, cette ouais, soirée. carrément. Ouais. Voilà, belle victoire du père Strowman. Ben voilà, on a fait le tour. Alors, on fait l'autopromo. Où c'est qu'on nous retrouve? Ben, sur YouTube, évidemment. Si vous voulez donner l'adresse, hein, les deux zigotos, vous pouvez y aller parce que moi je ne les connais pas. Bon, Ketchup CDC, c'est tout le temps Puisqu'on a. Ketchup CDC, hein. Oui, c'est C'est tout le toujours temps Ketchup Ketchup CDC. Ben CDC. alors pourquoi il me reprend à chaque Parce que fois toi, quand tu je dis dis ça? ketchupcdc.com/youtube, ce qui est assez erroné, Ah, finalement. c'est pas les vrais. Il y a quoi? Il y a Twitter, Facebook, Ketchup Twitter, CDC, l'Instagram, Facebook, Ketchup iTunes, CDC. Pour l'audio, c'est Podgloop. iTunes, au PodCloud. Et pour la vidéo, c'est youtube.com/ketchupcdc. Voilà. Ben Et il faut appuyer voilà. sur la petite sonnette, vous abonner, c'est gratuit. Comme Ring the mettez des bell, pouces, ring the hein, comme bell, j'ai appuyez déjà sur la petite. demandé. Ne me forcez pas à vous supplier de mettre des pouces, hein, Mettez des bordel pouces, ça aide à bien référencer de la pas merde. vidéo, partagez. Ne m'embêtez pas, j'en ai rien à foutre en fait. Mais si je vous vois mettre des pouces, ça va mal se passer. Partagez, commentez, donnez-nous votre top, votre flop et votre note. Voilà. Et est-ce que vous Voilà. pensez que le Titus est un work ou pas? La glissade, Et exactement. cotisons-nous avec Xavier Niel et Bolloré pour avoir un grand show de catch en France l'année prochaine. Oui. C'est ça qu'il Là, nous faut. Mais soyez surtout au house show là, c'est quoi, c'est le 18 ou le 19, je merci, sais ouais. plus, 19 mai. Et On espère. NXT au circuit d'hiver en juin, le 11 juin, Moi aussi. où je ne pourrai pas être. Allez-y à ma place. Oui, Oui, moi allez-y à je m'en notre place. chargerai, j'irai Et à ta place, pas de problème. voilà. Faut que ce soit complet pour qu'on ait plus de show en Ah France. ça, C'est on peut ça pas le se but. plaindre et puis derrière ne pas y aller, hein. Ou l'inverse, mais vous Exactement. voyez ce que je veux dire. Voilà, bah on a fait le tour. Yes. Raph, merci beaucoup d'être Ça fut venu. un plaisir, les amis. IRM, bravo pour la technique, merci d'être Je t'en venu. prie, toujours un plaisir, évidemment. Voilà, et puis bah, je remercie tous les gens du chat, tous les auditeurs, et puis je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Inch'Allah. Ciao, Ciao. ciao. Inch'Allah. Politique et catch. Politicatch. Voilà. On va juste qu'on se mette à niveau au niveau politique et puis on est bon.